Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. Ici, bonne patate. Bonne patate, ce n'est pas un jour comme les autres, car c'est notre première émission sans goustique. Wouh! Youpi! Et avant de vous présenter mes petits camarades et de faire un petit peu le sommaire de l'émission, eh bien je voudrais qu'on ait une pensée émue pour lui. Ouais. Parce qu'il est en Belgique tout seul et ça va pas très fort. Ça va pas très fort, il a pas trop le moral. Bisous kéké. Donc allez-y, hein, sur les réseaux sociaux, on veut voir du hashtag pray for goustique. Ouais, non, il a pas trop le moral, il est tout seul, il neige, enfin c'est la merde quoi. Donc on lui a dit, essaye de mets-toi un leitmotiv, voilà, parce qu'il s'ennuie un peu, ben serre une meuf quoi. Voilà, les femmes, c'est ce que j'allais dire. Eh ouais, non mais carrément. Avec goustique, bouge-toi le cul quoi, comme on dit. Il peut même pas brancher sa PlayStation. Eh ben non. Alors là, comme dirait Mélanie, remue-toi la cuillère un peu. Allez, on est en direct et ça fait plaisir. Hein. Toujours sur O2 Radio 411.3 en Aquitaine et sur O2Radio.net pour le reste de la Gaule. Comme toutes les semaines, vous nous suivez en live aussi sur Twitch, en vidéo, mesdames, messieurs. Twitch.tv/lavoixdugeek. La voix avec un E. Et là, on a fait plein de petites modifs. Du coup, il y a deux caméras. Wow. Il y a une boucle d'attente avant, enfin c'est un truc de dingue quoi, c'est attention quoi, George Lucas quoi, il va m'envoyer un mail assassin pour me dire mais moi j'arrête tout quoi, j'arrête le cinoche, enfin j'arrête tout quoi. Bon bref, une bonne émission, hein. Ce soir on a plein de choses à faire, plein de choses à voir, évidemment non, je ne suis pas seul, il est là, il est beau, Tagazu est là mesdames, messieurs. Ouh, je suis content d'être avec vous, je suis content. Et tu vas nous chanter quoi? Alors, je vais vous chanter une petite chanson qui s'appelle Je t'aime Nintendo. Non, je t'aime Nintendo. Non, je suis content d'être avec vous, j'ai joué pas mal à Broforce cette semaine. J'ai du mal moi. Voilà, je suis le seul apparemment à l'avoir aimé de tous. Mais moi j'ai adoré, franchement on aurait dit Metal Slug. Oui, ouais. Mais voilà, avec des petits pixels et puis tous les clins d'œil de tous ces films d'action, moi ça m'a fait revivre ma jeunesse et donc j'ai adoré. Voilà. Yes, ouais, Broforce, il faisait partie de la sélection des jeux gratuits sur le PlayStation Plus, ouais. de la PS4. Moi j'ai adhéré moyen, après c'est en gros c'est on incarne plein de personnages quoi des années 80, donc Chuck Norris, MacGyver, Rambo. Blade, Rambo. Ah ouais, ils y sont tous hein. C'est un petit peu foufou, ouais. Et puis ça explose dans tous les sens. Enfin moi j'étais content à chaque fois qu'il y a une explosion. Bon bah c'est cool, écoute, au moins un heureux dans cette émission. Oh, tout à fait. Il est là, il est beau, il s'est levé ce matin, il avait les yeux qui étaient tout collés pour faire un stream avec moi. Oh, Dandy est là, mesdames, messieurs. Bonsoir. Oui, d'ailleurs, vous êtes tombé du lit. Ah bah comme tous les matins. À 8h30 quoi. Bah attends, ouais. Mais au taquet hein. Ouais. Hey, The Division. Ah ouais, je vois ça. On a fait des mathématiques dès le matin. Tant qu'il attendait Dandy, voilà. Quoi, ouais, non, non, ouais, moi j'étais chaud. Hein. J'étais méga chaud. Carrément. Et toi, t'as joué à quoi cette semaine? Ben, j'ai eu le plaisir de jouer à The Division aujourd'hui avec toi, mon cher. Oui. Sinon, à quoi j'ai joué? Je me suis vraiment emmerdé ces derniers temps sur la console. Oui, c'est vrai. J'ai téléchargé le jeu de billard là. J'ai la tristesse. J'ai téléchargé Loadout aussi, qui est en free to play et qui est aussi nul à chier. Donc je commençais à me tailler les veines jusqu'à ce que Division arrive et le voilà. C'est vrai qu'avec Kogu, on se l'était téléchargé le jeu de billard. Tu te rappelles? On essayait de jouer en ligne. Quoi. Et c'est même pas possible. Si encore. On a fait les bêtas. On a fait la bêta de Hitman. Uncharted. Ouais, on va en parler après. Voilà. Mais ouais, pour revenir au jeu de billard, ouais, si au moins on pouvait jouer en ligne, tu vois, on aurait tapé un délire, c'est ce qu'on essayait de faire. Ouais, de jouer l'un contre l'autre déjà. Mais c'est pas possible. Et non. On s'était dit, vas-y, on va taper de la boule, quoi. On va sortir nos queues et puis voici. Ben allez, c'est parti. Même pas, quoi. Bon, bref. Et il est là, il est beau lui aussi. Mon Kogu. Comment ça va, poulet? Ça va super bien. Ouais. Beaucoup plus détendu quand même. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est clair. Voilà. Nouvelle vie, new day, new week, new job. Yes. Voilà. New blow job, man. Et new blow job. J'en ai réussi un magnifique sur Far Cry Primal. Ah oui, c'est vrai. J'ai même fait une petite vidéo de 10 secondes qui carrément prouvé. C'est vrai. Voilà. Et donc ben moi, puisque vous me le demandez, donc j'ai fait du Far Cry Primal moi. voilà, pour faire comme toi, pour marcher sur tes pas. Et c'est surtout qu'on le teste ce soir. Voilà. Et ben, je l'ai pas fait que pour le test, je l'ai fait aussi pour le plaisir. Et j'ai pas été déçu. Ah, tu vois. Ah, vraiment. Donc on en parlera plus tout à l'heure. Ouais, ouais, carrément. Vraiment génial. Et donc, ben, dans la petite semaine, j'en suis à 2 trophées du platine. Joli. Chapeau. Et il te manque lesquels? Désolé, je fais un petit peu de ménage et je déménage un peu les deux meubles. Vas-y, vas-y, je vais meubler moi aussi en attendant du coup. Ben, il me manque le trophée avoir toutes les compétences. Ah oui, oui. Voilà, et il me manque le trophée lié au ramassage des 80 objets tout bleus sur la map. Ah oui, ouais. Bon, et ça va, ça se fait. Ouais, enfin ça c'est super casse-pied quand même, parce que à chaque fois tu les, enfin c'est dans les grottes et tu sais jamais par où tu vas attaquer la grotte, par le haut, par le bas, tu tournes 2 heures, tu mets 20 minutes pour un artefact. Quand même. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais voilà. T'as les petits masques, sinon. Oui. Et en gros, eux, ils sont accrochés toujours à une falaise et tu tires une flèche et c'est un peu plus facile. Ouais, quoi. Mais il n'y en a pas 80 dans le jeu. Non, il y en a 12. Je crois qu'il y en a, il y a 22 de chaque type, plus un où il y en a 25. Yes. Voilà. Yes, bah moi j'ai passé une bonne petite semaine aussi. J'ai joué à Heavy Rain qu'on a streamé et qu'on a terminé. Alors j'ai eu la fin, la pire du jeu, je crois. Oui, j'avoue. C'est-à-dire? On va pas se spoiler, ouais. Bah si on peut, le truc c'est que c'est un jeu qui a 18 fins. Ouais, je vous le conseille si vous l'avez pas fait sur PS3 à l'époque, alors c'est pas un remaster, c'est plus un portage bête et méchant. J'ai pas vu vraiment de grosses différences. Il y en a pas. Puis c'est surtout que c'était loin quand même hein, il est sorti il y a un moment Heavy Rain, mais il fait partie de la compilation avec Beyond Two Souls, c'est à petit prix. Mais ouais, j'ai eu la fin où genre bon, en gros, on incarne, j'ai essayé de pas spoiler mais c'est chaud. On incarne un type qui a perdu un de ses enfants. Bon, il lui en reste un deuxième, me direz-vous. Eh ben, ce con, il se le fait kidnapper. Et donc, on enquête un peu là-dessus. Voilà, il y a un serial killer dans leur jolie bourgade où il pleut tout le temps. Oui. D'où le titre Heavy Rain. Hein. Faut pas aller là-bas pour bronzer. Hein. C'est baiser, ça. Hein. Ça marchera pas. Et putain, je suis en train de perdre ma voix en direct. Hashtag gitane. Mais en gros, à la fin, je me fais tuer par la police. Voilà. Parce qu'en gros, il le soupçonne à lui. Ah oui, c'est effectivement la pire fin. Et donc du jeu. Tout le monde est mort, c'est comme dans Until Dawn quoi, hein, c'est cata, c'est un truc de ouf. Tu cours après ton gosse kidnappé, les flics se disent c'est lui qui l'a kidnappé. Et mais il faut dire que le flic qui enquête, c'est pas celui que tu joues, parce qu'il y a un flic qu'on incarne, un peu high tech et tout, et t'as un autre flic, celui qui enquête sur toi, c'est quand même un beau connard quoi. Oui oui. Là, il a pas inventé l'eau à couper le beurre, hein. Enfin tu vois, c'est un truc du style quoi. Ça, et puis évidemment, j'ai joué à Division toute la matinée. C'est une putain de tuerie. Ah ouais, alors vous avez aimé les gars? Bah, niveau coop, je pense que la fois où j'ai le plus kiffé, c'était Borderlands. D'accord. Clairement. Ça, c'est parce que t'étais avec moi. Oui, aussi, oui. Il y a ça qui joue aussi un peu. Mais ouais, dans l'idée, franchement, c'est une belle tuerie. On fera le test la semaine prochaine. Franchement, enfin voilà, le truc c'est que c'est hyper beau quoi. C'est un truc de ouf. Il y a tellement de détails en vrai. C'est un jeu Ubisoft, vous êtes sûr? Oui, oui. Vous avez regardé. C'est ça qui est étonnant. La jaquette. Ouais, carrément. Et il ressemble au bandes annonces ou non? Ah non, oui, c'est oui, impossible, oui. C'est un jeu Ubisoft, attends. Et non, mais il est presque. Enfin, il met le même effet waouh que Battlefront quand il est sorti quoi. Ah ouais, tu t'arrêtes, tu fais waouh. Le truc c'est que c'est hyper fouillé quoi. Il y a beaucoup de détails partout. Franchement, non, c'est une tuerie. Mais on en parlera plus longuement la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas dès maintenant à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E, et sur Twitch, si vous voulez nous voir en image, twitch.tv/La Voix du Geek, La Voix avec un E, et puis vous nous verrez en direct. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oh oui. Mais vous avez peur de rien, quoi. Ah oui, la musique, qu'est-ce qu'on écoute? J'ai oublié. Alors, On s'écoute Métronomie, tiens, avec Loving Arm. Pin, pin, pin, pin, pin. C'est un bon morceau qui fait zizir. Je vais pas vous le chanter en entier, vous en faites pas. Et à 20h, on s'écoute Hoot and Looter avec Twat. Holler. Holler. Holler. Yeah. Twat. Avec Twat. Twat. Twat. Bon, c'est du bon son. En tout cas, restez bien avec nous. On se fait toutes les news jeux vidéo. Après, on va faire un petit point, tiens, sur justement la bêta d'Uncharted, du multi, pour ceux qui ont réussi à se connecter. Ouais. On en parlera tout à l'heure. De la bêta d'Hitman aussi, que toi, t'as bien saigné. Hein, j'ai bien aimé, ouais. Moi, j'ai pas réussi à m'infiltrer. J'ai du mal. Oui, c'est bizarre. On va faire un petit point aussi sur la saga. La saga, on peut l'appeler Far Cry, avec tous les épisodes sortis, les spin-offs et le film du V-Ball. Attention, mon Dieu, nanar, on approche. Et puis après 20h, on se fait le test de Far Cry Primal. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Franchement, c'est une tuerie. Allez, j'envoie la musique des news et on se fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Eh ben, qui s'y colle, comme vous voulez. Allez, taga. Moi, je commence par une triste nouvelle. Oh là, mon Dieu. Oh non, tu m'as pris ma news. Ah, je t'ai pris ta news. Direct, rien que comme ça, quoi. Moi, je parle pour les fans de la série Fable, c'était ça? Ah non, c'est bon, ça va. Ça va, alors. On va parler un petit peu Microsoft dans ce territoire PlayStation et Sony. Non, c'était pour annoncer que, Microsoft a annoncé qu'ils arrêtaient leur collaboration avec Lionhead, qui produisait les Fables, voilà, les fameux jeux sur exclusifs Xbox et Xbox One, et donc voilà, donc c'est fini, on n'aura pas de Fable 4. Non, c'était le Fable Légende là qui préparait un jeu en coop et en compétition asymétrique. Hein. Et c'était, ça avait l'air pas mal. Enfin, moi, ça me donnait envie. Et du coup, ben voilà, c'est encore une exclusivité Xbox One qui disparaît. Alors par rapport à la PlayStation 4 où qui commence à prendre de plus en plus de place le paysage vidéoludique, je trouve que cette exclusivité a été quand même sympathique et aurait pu même me forcer à acheter une Xbox One, moi qui ai déjà une PlayStation 4. Mais voilà, malheureusement c'était créé par Peter Molyneux. Voilà, le célèbre Peter Molyneux qui avait créé ça en 2001. Et bon, d'ailleurs, il est parti depuis, mais voilà. Ça me fait penser, Microsoft, ils donnent plus, ils communiquent plus à la presse les chiffres de vente de la Xbox One. Mmh. Donc récemment, ils sont justifiés là-dessus. Ils ont dit non, c'est pas parce qu'on prend une tolasse face à PlayStation, mais ils estiment que les chiffres de vente sont pas représentatifs des joueurs. Ce qui est pas faux, parce qu'ils estiment que PlayStation, je veux dire un chiffre au pif, mais ils disent il y a 5 millions de joueurs PlayStation 4. Au final, c'est faux. Il y a 5 millions de PlayStation qui ont été vendus, par exemple. Mais j'en ai un très bon exemple avec mon petit neveu, qui est un des petits frères de Mélanie, qui a la PlayStation 4, qui a jamais joué, elle est dans un placard. Et en gros, les chiffres de Microsoft, ce seront les chiffres des gens connectés. Ah. Donc c'est pour ça que l'échelle est pas la même, tu vois. Donc quand ils disent il y a 550 millions de PlayStation 4 vendu sur le territoire, et quand ils disent en face il y a 20 000 joueurs Xbox One, tu vois, ça c'est voilà. Donc en gros, il s'en vend autant, c'est juste que les chiffres sont pas à la même échelle en fait. Après, il y a des signes qui trompent pas. Par exemple, je sais pas si vous avez vu un peu partout, mais un jeu acheté Xbox One, un jeu offert, sur des nouveaux jeux, ils bradent pour vendre des consoles. Ouais. Donc voilà. Après, en gros, Microsoft t'achètes est derrière. The Division, on t'offre une Xbox One, quoi. Voilà, c'est presque ça. Non, mais c'est du Halo 5 que j'ai vu. C'est Halo 5 que si t'achètes, enfin les derniers hits sortis sur Xbox One. Ah oui. Donc tu te dis ah ouais, quand même, s'ils commencent à faire des offres comme ça, c'est tu le vois, ils essaient de choper des exclus. The Division d'ailleurs, les DLC à sortir, il y en a les deux à sortir là prochainement, seront en avance sur Xbox One et sortiront, et les autres après seront en simultané avec la PS4. Mais enfin voilà, tu sens qu'il y a des petites techniques, les petites techniques de grappillage comme ça pour avoir l'exclu. Après moi je me fais pas non plus trop de soucis parce qu'il y a quand même Microsoft qui est derrière et donc ça tiendra, mais bon voilà. Tiens, il y a Nathan qui nous dit bonsoir, on m'entend mieux là, c'est bon? Il me disait qu'on m'entendait pas, vous m'entendez? On entend bien. Bon, ça va alors. Eh ben écoute, vu que tu prends une belle voix d'étalon, je vais vous parler. Oh là. Je vais vous parler, attention. Et tu sais que c'était vidéo. Tu sais que c'était tu sais que c'était le nom de Stallone, l'étalon italien, parce qu'avant d'être Rambo, il faisait du porno, le gars. Sérieux? C'est connu que tu as vu le film. C'est pas vrai. Non, ça. Tu l'as vu? Bah oui. Je suis vieux. S'excuse pas. Je suis à mes 40 ans, donc j'ai vu ce film dans ma tendre jeunesse. Et alors, c'est Rambo, ça va? Il a une grosse mitraillette? Même pas. Ah merde! Ah ouais, même pas. Mais bon, mais gros muscle, et puis tu sais. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est que tout autour de son sexe a énormément augmenté. Gonflé. Voilà. Et puis, il était pas encore très très musclé, mais bon, ça. On va pas parler porno d'ailleurs, je passe. Oui, ben voilà. Justement. La news. La super news. Justement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Jackie Michel, ils ont fait un jeu vidéo. Ah. Eh oui. Est-ce que tu pourrais vérifier si le stream a du son, sort du son, parce qu'a priori on nous dit qu'on nous entend pas. Ah. Tiens, mais vas-y, au pire, fais ta news et puis je vais vérifier. Alors, ok. Ben alors en fait, Jackie Michel ont décidé donc sur leur site Jackie Michel Gaming. Waouh. Non, t'es sérieux? Je te jure. Il y a le site Jackie Michel Gaming. Ils ont sorti un free-to-play donc qui se joue sur navigateur internet. Alors c'est un jeu où voilà, le but c'est d'être le meilleur acteur ou actrice porno. Pour ça, il y a une barre de réputation, faut acheter des fringues, faut augmenter ses compétences, donc charisme, etc., etc. Tu vas en ville, tu parles aux gens, bon, enfin voilà. Ah, on entend le retour. Mais on s'entend bien là, non? Ça m'a l'air bien. Ça refait, l'espèce de. Comme avant, faudrait que tu débranches le câble et que tu le rebranches si tu veux. Ok, ça marche. Donc voilà, Jackie Michel se lance dans le jeu vidéo, pour le meilleur et pour le pire surtout. Donc si vous aussi vous avez toujours rêvé d'être acteur porno ou actrice porno, ben vous pouvez commencer vos déboires sur Jackie Michel Gaming. Tu m'avais dit que t'avais pas fait de news sur la journée de la femme, bah si, tu vois, t'as fait une super news sur la journée de la femme là. Ouais, voilà. On va être contente. Ouais, je vous laisse. Alors moi, très rapidement, et puis en hommage à Goustik qui nous a quitté la semaine dernière, voilà une petite info que j'ai vue sur Star Wars. Apparemment, aurait été leaké sur différents sites et dans différents pays le nom du prochain épisode de Star Wars. Oula. Donc, premier élément, premier leak, une photo qui est apparue donc sur le site Reddit. Et donc pour la sortie du film, donc qui aura lieu en salle en décembre 2017, a priori, donc le Star Wars ne s'appellera pas Star Wars 8, mais attention, The Tale of the Jedi Temple. Ouh là là, ça c'est les titres. Attention, attention. Voilà, c'est réparé. Après, ils vous disent quand même que cette révélation, donc qui est bien évidemment donc à prendre avec des pincettes, hein, dans la mesure où rien n'indique réellement la provenance de la photo, on voit juste posé sur un bureau une sorte de petite plaquette avec marqué Star Wars, enfin le Star Wars, le chiffre, donc 8 en chiffre romain, et en plein milieu donc The Tale of the Jedi Temple. Et voilà, dans la mesure où rien n'indique donc la provenance de cette photo, et que le titre donc du Réveil de la Force n'avait été dévoilé en fait qu'en novembre 2014 déjà. Et non, tu ne m'ouvres pas ce lien là. carrément donc un an avant la sortie du film de J.J. Abrams. Après, en même temps, depuis un site donc croate, on nous annonce que le titre pourrait s'appeler The Order of the Dark Side. Oula. Alors j'ai pas du tout entendu en fait. C'est The Order 2. Mais tout le monde s'en fout. Non, c'était très intéressant. C'était le prochain titre du prochain Star Wars. Le prochain Star Wars, le Star Wars 8. Donc le 7, c'était le Réveil de la Force. Faut se méfier parce que George Lucas nous avait fait déjà. Enfin, à l'époque, il avait changé de nom. Ouais, il avait dit. Ouais. C'est le Revenge qui s'appelait la revanche normalement du Jedi. Et oui, le retour du Jedi. Donc il change. Et puis en plus, J.J. Abrams, il aime bien ce genre de retournement de situation. Donc il a peut-être changé de nom. En Croatie, il joue un petit peu sur la même façon comme les tout premiers Star Wars où il y avait comme ça des oppositions. Et donc du coup, ce The Order of the Dark Side, qui pourrait être également donc le nom de ce Star Wars, ferait également contrepoint avec le plus lumineux et optimiste Réveil de la Force, comme l'avait fait, comme tu le disais, voilà, l'Empire contre-attaque avec le Nouvel Espoir. Donc ça serait plus ça, mais bon, après, à prendre avec des. Et oui, il avait changé le nom, c'était la Revanche du Jedi, ouais, pour je sais plus quel épisode, et en fait, il l'avait modifié au dernier moment, parce qu'un Jedi, ça ne se venge pas. Voilà, ben c'était trop. Parce que si tu te venges, c'est que t'as perdu trop quelque dur, part. Voilà. Et donc du coup, ils disent que quoi qu'il en soit, automatiquement, ça va être l'un de ces deux noms a priori qui sera pris. Et donc, cet épisode devrait un petit peu nous révéler la genèse, la naissance, ou en tout cas, enfin, ce qui s'est passé comment. Je veux pas citer son nom pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais ça va être sur les origines un petit peu de Kylo Ren. D'accord. Eh, pas mal. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude, hein, on fait tout dans le désordre, hein. C'est voilà, un peu l'idée, quoi. Ça me fait l'idée. D'accord. Ok, moi j'ai pas de news du coup, donc vas-y Tagazu, je t'en prie. Alors moi, je voulais parler un peu du Nintendo Direct qui a eu lieu cette semaine. Bon, y a pas mon ami Aiki pour pouvoir me contredire. Il est en route, Aiki. Voilà. Mais si tu m'écoutes, Aiki, je te dédie cette news parce que je vais parler donc Nintendo Direct avec dans le rayon bof. Voilà, il y a beaucoup de recyclés malheureusement. J'ai mal à mon Nintendo. Voilà. On a un peu mal, mais c'est vrai que ça sent le réchauffer. Alors, on a Kirby qui revient en robot, par exemple. Sérieux? On a Monster Hunter. Alors, c'est un best-of. Je salue tous les fans de Monster Hunter. Il y en a pas beaucoup, mais ça marche beaucoup au Japon, beaucoup chez nous. Mais le Monster Hunter Génération, qui est donc un best-of de tous les Monster Hunter. Le Fire Emblem qui va sortir. Alors moi j'adore Fire Emblem Awakening, je l'adorais. Mais alors là il y en a un qui sort avec un modèle économique un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux épisodes un peu à la Pokémon Rouge et Bleu. Donc il y aura le Fire Emblem Héritage et Conquête, et après ils sortent un DLC plus tard, le Révélation, voilà, pour se faire un petit peu de sous-sous, les DLC. Donc c'est un peu bizarre, et ils sortent tout ça dans un collector un peu plus cher pour se faire encore plus. Donc c'est un peu bizarre. Et alors le jeu, je pense qui la cerise sur le gâteau, c'est quand même le Metroid Fédération Force. C'est le jeu que tout le monde déteste alors qu'il n'est même pas sorti encore. Le pire, c'est que malgré toutes les mauvaises critiques qu'ils ont eues à la présentation l'année dernière, ils osent quand même le faire, tu vois. C'est ça qui est terrible. Et tout le monde le hait, ce jeu. Il est boycotté sur Internet, il est haï. C'est un peu comme s'ils avaient craché à la figure des fans de Metroid en leur disant, tenez, on vous donne un jeu complètement pourri, casual, voilà, pour rigolo. Après, il y a un nouveau Paper Mario. Alors bon, c'est toujours pas la suite de celui sur GameCube. Franchement. Qui était quand même C'est honnêtement, j'ai vu le truc, c'est Paper Mario croisé de Splatoon, quoi. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est un truc avec des jets de peinture de couleur, quoi. Ça marche, moi j'aime ça, moi, de la peinture, donc, des jets partout là. Après il y a le Star Fox. Alors le Star Fox, moi il me rassure pas du tout. Il sort le 22 avril. Alors, on verra ce que ça donne. Manette en main, mais vous avez du gameplay hein, dans la boucle qui tourne juste avant le stream. Il y a un petit bout de gameplay. On l'avait essayé à l'IDEF. On en avait parlé déjà. Alors le côté sympa de ce Nintendo Direct, c'est quand même le. Un moment, ça s'est fini. Oui, mais c'est surtout le responsable Nintendo Europe, Satoru Shibata, qui succède bien, je trouve, à Iwata, puisqu'il a fait que des pitreries avec les Yo-Kai Watch, c'est ça, qui vont sortir. C'est quoi ça, les Yo-Kai Watch? Alors c'est un peu comme les Pokémon. C'est sorti au Japon, ça s'inspire du folklore japonais. D'accord. Et c'est un peu pareil, ce sont les petits esprits et ça a beaucoup marché au Japon. Alors est-ce que ça a marché en Europe? Ils le sortent en Europe. Les Japonais ont la collectionnite aiguë. Hein. Ouais. C'est ouf. Mais là, ça part de, vu qu'en plus ça vient du folklore japonais, ça leur parle beaucoup plus. Et donc, mais c'est vraiment comme les Pokémon. Hein. On a une montre, monstres qui sortent, un croisement Digimon Pokémon. Et moi j'ai bien aimé les pritreries. Il a bien rendu hommage au très regretté Iwata en dansant son rythme Paradise aussi. Donc oui, ça me rappelle quand ils avaient présenté la Wii U, c'était Iwata, je crois, qui était là. Oui, c'était Iwata avec des gants blancs de chirurgien et tout. C'est très très regretté Iwata. Donc il succède bien en faisant les pitreries et tout, c'est rigolo. Mais voilà, sinon après le contenu malheureusement est pas à la hauteur de Nintendo, je trouve. Là comme on dit, ce sera en juin. Comme il se dit, voilà exactement ce que j'allais dire. Là, il faut que Nintendo il nous fasse un E3 de malade. Voilà, c'est fini. Il faut qu'ils annoncent la NX à mort, donc la prochaine console de Nintendo. C'est sûr, mais il faut qu'elle pète quoi. Qu'ils nous sortent des images de Zelda puis de Zelda quoi. Ouais, il faut pas que la NX un Metroid voilà. Moi je sens que la NX ça va être la Wii U, sauf que le gamepad tu peux l'emmener partout. Alors attention, je pense que c'est ça. Enfin si c'est vrai, ce sera une console quand même qui a une puissance de Xbox One. Ouais, je sais pas. Après bon, voilà, la Xbox One elle est sortie il y a un moment, donc on sent quand même que ça peut arriver mais avec un peu d'obsolescence quoi. Eh ben dis donc, ça sent bon. Bon, on verra ça à l'E3 au mois de juin. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et j'attends impatiemment. C'est No Man's Sky. Yeah. Yes it is, comme tu le dis. Yes it is. Alors, on a appris la date. Il sortirait le 24 juin. Alors moi, j'en peux plus. Je trépigne d'impatience. Par contre, j'aimerais vous parler d'un petit truc que j'ai vu donc sur Internet. C'est un rédacteur donc sur un site qui s'appelle Games Radar. C'est un site américain. C'est un mec qui s'appelle Leon Early. Il a eu la chance de pouvoir y jouer 30 minutes. Ah. Et en fait, il a fait tout un article où il expliquait un petit peu ce qu'il y avait dans le jeu, ses impressions, parce que c'est un mec qui est comme nous, enfin comme moi en tout cas, qui attend beaucoup de ce jeu parce que je suis un explorateur né, tu vois, j'adore farfouiller, aller à droite et à gauche. Oui, c'est clair. Et on a tous peur en fait de ce jeu-là parce qu'on se dit est-ce que ça va vraiment être bien, est-ce qu'il va y avoir des choses à faire. Et donc il a fait un petit article pour expliquer un petit peu ce qu'il y avait. Donc il y a joué 30 minutes et il commence en fait son article en disant que le fondateur de Halo Games, Sean Murray, a dit donc pour rassurer un petit peu tous les joueurs, nous voulons que pour vous en fait traverser des environnements cool et resplendissants soit un vrai challenge. Se sentir vulnérable et qu'on lutte pour survivre à ça. Ça rend vos découvertes plus importantes et en fait nos découvertes prennent plus de sens. Et en gros il dit qu'on va pas juste bondir de planète en planète sans fin et sans but. Il faudra se battre pour voir ce qu'il y a de l'autre côté et quand vous y serez vous pourriez mourir de froid, être à court d'énergie, ne plus rien avoir dans vos guns. J'aime ce côté tu vois un peu débrouillard quoi. Ouais tu sais pas trop où tu vas quoi. C'est ça, donc tu peux arriver à un endroit et puis la planète il fait tellement froid que ta barre de vie baisse, t'as pas de protection, tu te sens con. Il faut que t'allumes un gourdin. Voilà. Si si. Et il met c'est ce qui rendra en fait vos levées de soleil, donc une nouvelle journée encore plus merveilleux quoi, parce que tu t'as survécu à une journée, t'as conquis une planète. Apparemment, enfin voilà, il y a déjà des gens qui l'ont testé, il y a eu des previews, la version PC envoie le pâté, la version PS4 ouais. Elle est alors, un peu à la ramasse. C'est ce que j'allais dire, apparemment c'est hyper dur à transmettre sur PS4. Sur PC c'est nickel, mais c'est vrai que PS4 ils ont un petit peu de mal parce que la machine voilà, ils ont une puissance de ouf sur PC, mais c'est vrai que PS4 tu peux pas changer en cours de route la place qu'il y a dedans, donc tu dois faire avec ce que t'as. Et ils ont quelques petits soucis. Après, le mec dit donc que dans ces 30 minutes de jeu, il a voulu faire des trucs à l'arrache. Il a dit je voulais voir le maximum de choses, donc il a fait 3 planètes. Il a dit qu'il est tombé donc sur une planète de glace, une planète avec des nuages toxiques, une planète avec du feu, etc. Donc c'est à beaucoup d'écosystèmes. Il a croisé donc des créatures croisées entre elles, donc des gorilles avec genre des têtes de lézard ou des trucs un peu bizarres. Ouais, est-ce qu'il a croisé des snorkies qui sont les snorkies quoi. Des espèces de dinosaures, des oiseaux. Enfin, il a dit il y a des trucs un petit peu mélangés de ouf. Les snorkies, c'est un petit peu les ancêtres de Bob l'éponge hein, quand même. Hein. Ouais, dans l'idée, tu vois. Vite fait, ouais. Il racontait aussi que t'avais des robots sentinelles qui protègent les planètes, donc dès que t'essaies d'extraire des ressources, etc., tu peux te faire shooter donc par des espèces de protecteurs de planètes. Il y a des races d'aliens aussi qu'on peut rencontrer, on peut discuter avec. Yes. Alors ça c'est cool qu'il y ait des interactions, qu'il n'y ait pas juste de la promenade. On peut prendre part à des combats, il y a des factions aussi, tu peux choisir telle ou telle faction. Et par contre, alors ça, une anecdote qui est hyper cool et je me dis que ça peut être génial parce que tu peux avoir justement un contenu de jeu mais de dingue grâce à ça, c'est que quand le mec a joué, il y avait un programmeur à côté et il est arrivé sur une espèce de planète où t'avais des trucs qui ressemblaient un peu à des zombies et qui étaient incapables de bouger, qui savaient pas marcher ni rien. Et le mec dit putain mais c'est génial, ils sont trop cool ces bonhommes. Et le mec à côté en fait, le programmeur, il écrit dans l'article et il dit honnêtement je vous le dis c'était pas voulu, c'était un bug. Et quand je le voyais découvrir ça je me disais ah please laissez-moi fixer ce bug le plus vite possible. Mais c'est ça le truc, c'est mais qu'au voilà. final t'es dans un univers où tu sais pas trop à quoi t'attendre. Ouais. S'ils veulent casser les codes, au pire pour créer, parce qu'ils annoncent plus de 1000 espèces. Ouais. Ils vont prendre je sais pas, ils vont lancer un random genre le bas, le moyen, le haut, genre les jambes, la tête et le torse, entre ouais. une poule et une baleine, enfin tu vois. Puis ah bah c'est bien ça, c'est complètement con, vas-y mets-le. Tu sais les, on va pas se mentir, il y a combien de Pokémon? Il y en a 400. Oh plus ouais. maintenant t'es plus dans les 700 je crois. Bah voilà, t'as 700 Pokémon, vous allez pas me dire que le mec il les a dessinés un par un quoi. Il y en a certains, c'est du random. Ouais, je suis pas ouais. sûr hein. Ouais, je pense hein. Ouais ouais, il y a toujours je pense il y a un fond de voilà, il y a un animal connu et ouais. qui mélange avec un autre et qui je pense qu'il y a quand même chez Nintendo ils laissent pas les trucs au hasard. Hein. Ouais. Donc bon, après ouais voilà. En fait, ils ont organisé une soirée à la Goustinière. Voilà, où ils ont envoyé tous les Pokémon. Il s'est passé Allez-y. Des choses. Voilà, voilà. Hein, voilà, vous faites des bisous, des câlins et puis ce qui en sort ça ira quoi. Donc il se dit que voilà, tous ces bugs involontaires seraient probablement ce qui fait le charme du jeu, parce que tout le monde va découvrir des trucs de dingue qui sont pas forcément voulus, parce que c'est tout simplement des bugs de programmation dans la matrice, parce que le jeu va être tellement vaste que t'as des codes qui génèrent automatiquement des arbres, des rochers, des trucs et tout, tu vois. Et comme tu dis, il peut y avoir un conflit, un croisement entre une girafe et un poisson et tu retrouves un poisson dans l'eau avec un coup comme ça, tu vois. Tu me tardes de voir ça quoi. Ah mais moi je suis hyper je suis hyper excité, j'attends trop ce jeu quoi. En même temps, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres parce que maintenant tous les programmeurs de jeux vont faire non mais là ce bug on voulait c'est juste casser un code. Oui, voilà. Hein. Non mais dans un jeu comme ça, ça passe, tu vois, ça, c'est parce que c'est un jeu qui parle de la variété. C'était dans quoi. Ça les bugs dans Assassin's Creed Unity. Ils ont cassé les codes, j'avais pas compris. Ils ont pas cassé les codes, mais ils nous ont bien cassé les couilles par contre. Moi ça me faisait penser un petit peu à Sport. Je sais pas si vous vous rappelez ce jeu. On partait d'une cellule et après du coup on pouvait arriver mais n'importe quoi. Peter Molineux, c'était. Oui, ouais, c'est vrai. Toujours le même. Carrément, allez, on va s'écouter Métronomie là parce qu'il est l'heure. Et puis on revient juste après, évidemment. On vous parle de la bêta du multi d'Uncharted 4. Comme dirait Iki. La bêta d'Hitman. Et puis on vous fait le test de Far Cry Primal. On a prévu une bonne petite bande-son qui donne envie de se gratter sous les bras. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après Métronomie et Loving Arm. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Her baby's got the loving now. I never get too close. I like to get results. Her baby's got the loving now. I never get too close. I'm flying down the coast to love. To love. Her baby's got the loving now. I never get too close. I like to get results. Her baby's got the loving now. I never get too close. I'm gunning down the coast to love. To love. To love. Sur 91.3. Allez, on est de retour, toujours en direct, hein, dans la voix du geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. Alors, pendant le disque, il s'est passé plein de choses. Déjà, il y a Malox qui vient d'appeler à l'antenne. Ce soir, on n'a pas le temps, mais vous pouvez nous appeler en direct, hein, on Malox, fera des émissions spéciales. Le truc pour la gorge. Exactement. Il a plein de comme ça. Et il nous a dit, il a fait une petite remarque, il nous a dit, je vous écoute en rentrant du boulot le soir. Et en gros, il aimerait bien qu'on rebalance avant et après de quel jeu on parle. Plus précisément. Ah, yes. Parce qu'en gros, il a dit quand on tombe en plein milieu de la conversation, il sait pas trop okay. Voilà, on sait pas trop de quoi on parle. C'est voilà, que s'il arrivait quand on parlait de John Rambo qui s'appelait avant l'étalon italien. Ouais, voilà. Là, clair. On va pas pouvoir préciser le jeu. Carrément. Et puis on fait une méga grosse dédicace. J'ai pas la trompette avec moi, mais il y a Eric qui nous a fait un don de 10 €. Pendant l'émission. Allez, on peut l'applaudir. Gros bisous, Kéké. Gros bisous, Kéké. Tu passes merci quand tu veux sur mes streams à moi. Eric, merci, qui est un de nos plus fidèles viewers et donateurs. C'est notre mécène. Ouais. Carrément. Ouais, c'est quoi. Clair. D'ailleurs, grâce à lui, on a pu acheter une lampe de tournage et on s'en servira d'ici peu pour faire des émissions de cuisine avec Dandy, mesdames, messieurs. Oui. Des cuisines geeks. Aïe, aïe, aïe. Ça va être un truc de ouf. Et je vais envoyer une petite bande-son derrière et puis juste avant, après 20h, on se fera le test de Far Cry Primal. Ça va sentir sous les bras. Mais là, on va parler un petit peu de la bêta d'Unshouled, très rapidement. Alors là, on a gros programme, en moins de 22 minutes, on va faire la bêta d'Unshouled, la bêta d'Hitman, et on va faire un petit peu le point sur la série Far Cry, tous les jeux. On verra, si on n'a pas le temps, on les fera après 20h. Oui, oui, oui. Mais voilà, et du coup, c'est la bande-son de Far Cry 4. Ah oui, oui, Far Cry 4, qui, oui, la map de Far Cry Primal. Non, le gars qui veut pas trop les, tu sais. Non, mais c'est, ouais, enfin la musique de la Far musique Cry du Primal. Pirate. Oui. Exactement. Exactement. Yes. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi ? Par Uncharted ou comme tu veux. Vas-y, par Uncharted. Allez, par Uncharted. Alors Uncharted, la bêta multijoueur était disponible. Donc c'était une bêta ouverte, hein, qui était disponible de vendredi soir 18h à dimanche soir 20h, je crois. Ouais, mais on va dire plus 19h pour la disponibilité. Alors voilà, en fait, il y a eu plusieurs phases de test pour ce multijoueur d'Uncharted. Uncharted qui est prévu pour le... qui a été repoussé encore. Au 11 mai. Ouais. Il était prévu pour fin avril, maintenant c'est début mai. Alors vous inquiétez pas, je passe juste le message parce que j'ai vu sur internet plein de gens qui commencent à flipper, à dire ouais, ça sent pas bon et tout, il arrête pas d'être repoussé. Non, au contraire. Non, non. Les gars, vous inquiétez pas. C'est une très bonne nouvelle. De rien, tu s'occupes de tout. La reprise de Sony nous a passé le message comme quoi c'était pas un problème de jeu. Le jeu il est terminé, c'est juste que par rapport à la demande et au succès que le jeu va avoir, ils viennent de se rendre compte que ils sont tout juste ils sont proches de la rupture mondiale de stock. Donc du coup, ils ont besoin de represser, de refaire des jeux, etc. Donc ils ont repoussé pour pouvoir répondre à toute la demande des joueurs dans le monde, quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, c'est que les précommandes servent aussi un petit peu de jauge. Mais c'est ça. De jauge pour les éditeurs, un jeu qui a deux précommandes, ça sent un petit peu la merde. Ils se disent bien, je crois qu'on en a fabriqué un peu trop, va falloir les enterrer dans le Nouveau-Mexique, quoi. Ça me rappelle un certain jeu. Non, non, non. E.T., si tu nous écoutes. C'est ça. Et d'ailleurs, qui était une soi-disant une rumeur, une légende urbaine, qui s'est avérée vraie. Ah, c'est vrai. On en parlera. Faites-nous penser sur le stream ou sur Twitter ou quoi. On vous parlera de cette histoire si on a le temps. On ira nous-mêmes au Nouveau-Mexique, essayer d'en trouver un. Voilà. Et bien d'ailleurs, je suis au Nouveau-Mexique. Ah, tutu, des tacos, tutu. On compte sur toi, Eric, pour tous nous aider. Oui. C'est la mise en ambiance la plus pourrie de la bande des faibles. Mais donc voilà, le jeu a été repoussé, mais ça n'empêche qu'on a pu quand même tâter un petit peu de la bêta multijoueur, quand on a plus connecté. Alors, on a fait un stream ce soir-là. D'ailleurs, on a eu 185 viewers, c'était un truc de ouf. Et tout le monde était chez nous, parce que, ça marchait pas chez eux. C'est voilà. Ça. Donc, en gros, on a eu 185 personnes plus nous. En train de regarder le matchmaking du jeu, en train de tourner pour chercher des adversaires, et tout le monde était là. Alors ça marche pas à la maison. Eh ben nous non plus. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a eu des petits problèmes de serveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bêta, pour les auditeurs, une bêta, c'est comme une démo, mais c'est pour régler des problèmes techniques. Ouais. Et elle portait le joli nom de stress test. Qu'est-ce que c'est, Kogu, le stress test? Eh ben en fait, ils ont fait des tests de montée en charge au niveau des serveurs. J'aime bien ce terme. Ah, c'est très très joli, une montée en charge. Et du coup, en fait, le but était vraiment de pouvoir voir à partir de combien de connexions ça pouvait crasher. Et donc, ça a craché dès le départ. Parce qu'on au bout de trois connexions, on a essayé à peu près de 200 000 personnes à essayer de rentrer dans le même trou. Mais c'est même ça. Moment. C'est ça, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que des connexions sur des serveurs de jeux uniquement online, comme ça, comme The Division ce matin, c'est voilà, 200 000, c'était oui, peut-être même plus. Ouais. Une fille, 200 000 gars qui arrivent sur elle, voilà. C'est un gros gangbang. Il y a un problème à un moment donné. Du coup, ça a dû stresser beaucoup chez Naughty Dog. Tiens, il y a Nathan qui nous dit sur le stream, parce qu'on a le Nathan Drake. Le vrai. Oui, il est le là. Vrai, il est le là. Vrai en chair en os qui nous dit, pour moi, le collector est précommandé depuis le 31 octobre. Eh ben, bien joué. Mais 2002, en fait. Il anticipe, le gars. Mais donc voilà, donc on a réussi quand même à se connecter. Moi, j'ai pas réussi à faire un seul match en entier. À chaque fois, j'ai eu le droit à la petite prise de courant qui veut dire attention, ça va se déconnecter. Mais il n'empêche que ça nous a permis de voir un petit peu bah, la gueule qu'il aurait. Et franchement, ça va tuer sa race. Grosse claque, ouais. Et c'est que beau. Le multi en plus. Et c'est que le multi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maps multi sont toujours un petit peu moins, élaborées, ouais. chatoyantes que les vraies maps qu'il y a in game quoi. Enfin dans la campagne. Mmh. Mais ça n'empêche que c'est une grosse tuerie. C'est hyper fluide. Ah oui, ça ouais. Par contre, l'animation des personnages. Enfin, la fluidité des mouvements et tout, c'est justement ça. On en parlait l'autre jour. Je lui disais, j'espère qu'on va pas retrouver ce côté qu'on avait dans les autres Uncharted, où quand tu sautes, ton mec il pédale en l'air, tu sais, et puis il flotte un peu. Tu vois ce que je veux dire, cette espèce de saut qui fait un peu cartonner, quoi. Bah ouais. Et là, non, c'est fluide. De ralenti. Ouais. Et là, c'est fluide. Le gars saute. Tu sens presque genre l'élan et le poids du gars, tu vois. T'as le vent dans les cheveux. Ah, t'as le vent dans les cheveux. Ah oui, non, mais et l'histoire du grappin, bon, tu t'éclates, quoi. Moi, je me suis amusé. Le truc, c'est qu'il y a des nouveautés par rapport aux autres Uncharted. Le truc, c'est que là, dans ce multijoueur, il y a des espèces de pouvoirs magiques. Ouais. Alors moi, je m'en suis pas vraiment servi, mais parce qu'à chaque fois, j'étais déco. Mais genre, tu peux les lancer, et ça fait des espèces d'explosions de couleurs. Alors, en fait, c'est parce que t'as un système de boutique. Il y a des petites reliques à choper sur la map qui te donnent de l'argent. Et avec cet argent-là, quand tu vas sur la croix du pad, ça te permet d'acheter donc soit un compagnon. Donc les compagnons qui peuvent être un mec avec une grosse tourelle, alors, voilà, une sulfateuse, soit un artilleur, soit un mec qui vient au corps à corps, soit un soigneur, etc. Soit tu peux avoir un bonus au niveau de tes munitions, de tes grenades. Soit tu peux acheter une relique, effectivement, donc là qui va avoir un pouvoir, donc tu la balances sur le terrain et puis ça va attaquer tous les ennemis. Voilà, c'est ça ouais, que j'ai essayé. Et après il y a autre chose et honnêtement je me rappelle plus. Et puis je m'en fous. Non, je sais plus. Bon journaliste. Ah oui. Mais voilà, c'est un système où c'est beaucoup basé sur le gain d'argent si tu veux avoir du bonus. Ouais. Après tu as la possibilité aussi si un ennemi s'achète une relique et que tu le butes, tu peux lui voler sa relique pour l'utiliser. Et après ça fout le bordel dans le monde d'Harry Potter. Et voilà. Et ouais. Alors après il y avait plusieurs maps, il y en avait trois, enfin nous on a pu en voir que trois. Ouais. Il y en avait une qui était, alors moi c'est ce que je préfère dans Uncharted, c'était sur à flanc de montagne, hyper verdoyant et on voyait au loin l'espèce de rocher qui est un peu bah le un bec de comme de faucon. Voilà, qui est vachement mis en avant dans les trailers et tout. À mon avis, ça se passe par là quoi. Tu vois, il y a quelque chose de chelou là-dedans, mais on le voyait en fond, c'est hallucinant quoi. J'aime beaucoup le dessin, le trait des Uncharted. C'est pas réaliste, pas vraiment. Tu vois The Division, on en parlera plus longuement la semaine prochaine, mais The Division, il y a des moments, c'est une photo. Clairement quoi, tu vois la bagnole, les reflets, enfin t'hallucines. Là c'est presque une photo, mais c'est un peu cartoonesque quoi, sans tomber dans le dessin animé pur et dur, mais c'est quand même un petit peu, tu vois. Et j'aime beaucoup ce trait là et surtout dans les feuilles, les feuillages, le vert est pétaradant quoi. Ceux qui ont fait le Uncharted sur Vita s'en rappellent sûrement, avec l'écran LCD, le vert en plus ils ont rajouté une couleur dans cet épisode, le mauve. Et quand tu vois, tu tombes sur les fleurs mauves dans Uncharted sur Vita, c'est Golden Abyss, t'hallucines quoi. Et j'aime beaucoup, tu vois, on retrouve ça dans le Uncharted 4 quoi. Il y a cette espèce de je sais pas, d'univers, la cascade, t'as l'eau qui coule sur la montagne, tu fais ok, c'est bon quoi. La gestion des explosions aussi, oui, est hallucinante. Ah oui. Ouais, c'est tu vrai. Sens que voilà, il se passe quelque chose et ça fait bouger l'environnement autour. Enfin, franchement, c'est assez classe quoi. C'est assez classe. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'était vraiment histoire de vous en parler rapidement. Non, bah on a fait le tour, hein, je pense. Sachant après, que voilà, moi j'étais pas là du week-end, j'ai pas trop pu y jouer. Il y a eu des gros problèmes, des gros soucis de serveur. Ouais, le plus emmerdant c'était ça. C'était vraiment le souci de serveur. Après voilà, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une bêta. C'était pas non plus que pour jouer. C'était pour faire des tests. Donc voilà. Tiens, il y a Nathan qui s'autocritique et qui dit excellent au niveau de la visée, de la sensation du tir. Il fait, tu ne tires pas dans le vide. Non, et puis t'es pas perdu. C'est dès que tu prends le jeu en main, là, la bêta, dès que tu la commences, t'as déjà. Alors, ils ont changé quelques boutons. Mis à part ça, et on en parlera aussi pour The Division. C'est un truc assez pénible. On en avait parlé à l'époque de la bêta, mais il y a deux touches qui ont été inversées. Mais vas-y, Kogu. Non, non, mais c'était tout. C'était sur ça. Et voilà, on sait qu'on est dans un Uncharted dès qu'on regarde le jeu, dès que ça commence. Dès que tu prends la façon dont il court, tu sais que là, tu vas viser, tac, tac, tac, quoi. Ouais. Et Drake, il est super bien fait. Il est vieilli d'ailleurs. Il a bien et ça vieilli. Fait bizarre. Moi, honnêtement, on le reconnaît quand à peine. Je le regarde, je dis putain, il a pris un coup de vieux. Tu vois, il y a une séquence, c'est triste, quoi. Il y a une séquence dans le dernier trailer qui est sorti où tu le vois un peu hébété. Tu vois, c'est la boucle. On l'a mis dans la boucle de pré-stream. Il est un peu hébété face à la caméra. Tu le reconnais à peine parce qu'avant, on distinguait pas ses yeux bleus, tout ça. Enfin, tu vois. Là, tu le vois, en fait, chaque épisode d'Uncharted, il a changé. Il a changé parce qu'il est plus détaillé et tout ça. Et en gros, tu le reconnais à peine. Il faut se réapproprier, je trouve, le personnage. Enfin, c'est assez particulier, quoi. Mais en tout cas, ça va être une tuerie prévue pour le 11 avril. On en fera le test, bien évidemment. 11 mai, pardon. Des tonnes de streams. Ça va être un truc de ouf. Future platine. J'espère juste qu'ils vont pas nous obliger à passer des heures dans le multi parce que ça, à la Call of, bon, bref. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Ensuite, il y a eu la bêta d'Hitman. Donc ça, par contre, vas-y, Dandy, toi, tu l'as torché. Ah, moi, j'ai bien aimé, ouais. Ouais. Yeah. C'était bien cool. Moi, je vous ai regardé tous les deux jouer. Vous avez deux styles complètement différents, hein. Alors, pour les auditeurs, oui, voilà. Le truc, c'est que. Voilà, moi, l'infiltration, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà. Mais, en même temps, ce qui est bien avec Hitman, c'est que, on te dit pas, non, faut pas le faire. Hein, tu peux. Tu vois, des jeux comme Styx, par exemple, FIF, le jeu de voleur. Ah oui, le jeu de voleur, FIF. Les deux, on t'oblige un peu à en faire l'infiltration, et quand on fait pas, bah, c'est punitif. Alors que là, Hitman, au pire, ça passerait presque, quoi. Metal Gear aussi, hein. Oui, clairement. Il t'impose un petit peu, ce qui va pas en mode infiltration, c'est la boucherie. Deus Ex aussi te permettait de faire les niveaux de trois façons différentes, quoi. Létal, non létal ou furtif, ouais. Et même là, dans le prochain, on s'égare un peu, mais dans le prochain, on pourra presque battre les boss rien qu'en leur parlant. En les regardant. Oh, cool. En les regardant comme ça, en plissant les yeux. Un doigt dans le péteux. Oh non, dis donc, mon point faible. Un doigt dans le péteux, l'expression chère à Bibine, hein, qui nous écoute pas, mais c'est pas grave, on l'embrasse quand même. Mais voilà, donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Hitman? Est-ce que déjà, il sort vendredi, le premier épisode, le prologue. Moi, je vais me le prendre. Est-ce que toi, tu as beaucoup joué, t'as bien aimé. Est-ce que tu comptes te le prendre, toi? Je pense pas. Je vais attendre qu'il sorte au complet. Ah ouais, donc en 2077. Je sais pas, mais c'est vrai que voilà, j'ai vu il y a pas longtemps une news qui disait que il allait être long en fait sur la durée, que là par exemple en 2016 il allait avoir 7 contenus différents. Donc et que c'est pas tout, il y a pas que ça, il y a pas que ces 7 contenus là en 2016, donc il y en aura d'autres après. Je dis le jeu au final, il sortira peut-être en version complète fin 2017. Wow. Donc je me dis ouais, peut-être. Donc c'est pas sûr. Mais c'est possible. Je sais pas s'il a été aussi bien que ça, parce que rien que le modèle économique, moi je trouve ça. Rien après, voilà, ça, je prendrais pas. Le modèle économique me fait vraiment chier. Le truc, voilà, c'est que je le trouve très bien, mais je suis pas au taquet comme j'ai attendu The Division, tu vois. Ouais. Si tu regardes, c'est pas un truc qui me tarde trop, quoi. Je l'aime beaucoup, mais je suis pas non plus hyper méga pressé. Bon, en gros, l'info à retenir, hein, c'est que c'est moi qui stream Hitman vendredi, donc on est mal, quoi. Non, bah si tu veux, enfin voilà, je peux prendre le démarrage et puis je stream. Il y a pas d'infiltration. Ah oui, par contre là ce sera Call of Duty style, hein, les gars. Non mais voilà, ce Hitman, donc pour les auditeurs, hein, qui connaîtraient pas, Hitman c'est un personnage, c'est l'agent 47. Donc soi-disant c'est un clone en fait, dont l'idée un peu, hein, il a un code-barre derrière la nuque, il est chauve, un peu comme notre Kogu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant que je regardais ton stream, j'avais la petite à côté. Et elle regardait, elle me fait « Mais c'est toi, papa, qui marche ?» Et oui. Je lui ai dit « Non, tu vois bien que je suis beaucoup plus musclé que cet agent 47. » Et donc, en gros, ce qui est assez intéressant dans les Hitman, le truc, c'est que c'est un jeu, moi, Hitman, où toi, j'aime beaucoup les Splinter Cell, par exemple. J'y arrive. Oui. Le truc, c'est que c'est pour ça que sur mon étagère, il y a un peu de tout. En style, c'est parce que je joue aux humeurs, beaucoup. Et il y a des moments où je vais avoir envie de m'infiltrer. comme en soirée, quoi. Le dimanche au soir après le film. Voilà, tu vois, il voilà, y a, des, y a un temps. Je pense qu'il y a un temps pour tout, tu vois. Il y a des joueurs qui jouent qu'à du Call of, qu'à du FIFA. Moi, je peux pas. Il y a un moment où j'aime bien les jeux de bagnole. Il y a un moment où j'aime bien tirer dans le tas. Il y a un moment où j'aime bien explorer des carcasses de bateaux perdus sur des îles au loin. Et donc, si je suis bien axé, je me lancerai, je pense, vraiment dans le délire d'infiltration. Mais sinon, c'est la cata, quoi. Le truc de Hitman, c'est qu'en gros, on est un assassin et on doit aller tuer notre cible. Et on a plein de manières différentes de le faire. Par exemple, là sur la bêta, c'est un décor assez spécial, comme dans un silo de missiles nucléaires. Imaginez ça, un gros silo, donc un gros trou dans le sol, et au milieu, un bateau de plaisance. Un yacht, quoi, comme on alors dit dans le métier. C'était un décor de film, je crois. Voilà. C'était parce que c'était foutu en carton, en bois, c'est en contreplaqué, c'était un peu bizarre. Hein. Et en gros, on nous dit, voilà, il y a ta cible ici, il faut que tu la butes. Ok, et donc bah il y a plusieurs manières d'y arriver. Toi t'as essayé, t'as fait tous les objectifs. J'ai fait toutes les manières possibles. Ouais. En gros on peut bah le mec en fait il a un déplacement bien précis qui est quasiment tout le temps le même. Plus ou moins, c'est assez varié. Enfin il y a plusieurs patterns, c'est-à-dire que il peut se trimballer dans la foule en bas, prendre un verre, il va monter, il va discuter avec quelqu'un, il va s'accouder à la rambarde, il va prendre un verre, il va dans le bureau, il revient, il redescend. Bah, donc t'as voilà. Plusieurs patterns. Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de la surveiller. Ouais. On se dit tiens. À plusieurs reprises, il est venu, il a bu un verre. Pourquoi pas descendre un peu dans le décor. Ah, on trouve de la morora. Pourquoi pas récupérer un costume de serveur pour pouvoir l'approcher d'un peu plus près, empoisonner son verre et se casser et attendre qu'il s'empoisonne tout seul. Il y a, pourquoi pas, il y avait un épisode, enfin je me rappelle, où il était chez lui, le gars, et tu peux, il y a un peu plus loin dans la ruelle, dans le lotissement, il y a une camionnette d'un réparateur de télé. Oui. Pourquoi pas récupérer, tuer le réparateur, récupérer son costume, et puis aller sonner à la porte, tout bêtement, je suis le gars de la télé. Dans les Hitman, c'est un peu la base, c'est la mécanique du jeu. C'est la mécanique du jeu, de se déguiser. Et oui. Donc en gros, on peut, pourquoi pas se déguiser en Père Noël et passer par la cheminée, quoi, je veux dire. Mais il y a un épisode où tu te déguises en Père Noël. C'est vrai? Ouais, ouais. Tu passes pas par la cheminée, mais tu peux te déguiser en Père Noël. Yes. Yes. Et du coup, toi, la bêta, ça t'a, non. S'il avait pas été épisodique, tu l'aurais acheté? Ah ouais, ouais, ouais, carrément. Carrément. Parce que, c'est ça Hitman, qui va faire ouais, bah, après, les gens à l'acheter. Le truc, c'est ce qu'on disait, et c'est ce que beaucoup disent aussi sur Internet, c'est que, il faut presque punir cette action-là auprès de Square Enix en boycottant la sortie épisodique pour qu'ils se disent bon les gars les épisodes se vendent pas, je crois que tout le monde va attendre la sortie complète et que ils se disent bon ben les gars on fait plus ça, on sort qu'un jeu complet. Et c'est vrai que pour les joueurs c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien de découper. Alors après, il y en a, ils vont vous dire, oui, mais peut-être que c'est pour le développement du jeu au fur et à mesure, parce qu'ils n'ont pas fini le jeu. Ce qui est pas cool, c'est qu'ils l'ont fait à la dernière minute. Oui, parce qu'il était prévu pour être entier. Et donc, oui, tu vois, ça veut dire quoi, en gros? Qui me dérange le plus. Ça veut dire que tu prends n'importe quel jeu maintenant, et puis, oh, bah, finalement, on va le découper en plusieurs parties, et vous le vendre, plus ou moins, parce qu'ils moins ont, cher. Ils ont voulu aller trop vite, ils se sont dit, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les développeurs, un studio qui développe le jeu, et derrière, il y a les éditeurs, le mec qui a le chéquier un peu, c'est ça l'idée. Et les éditeurs mettent beaucoup la pression aux développeurs. Et ils ont dû leur dire, bah, nous, pour l'année fiscale, il faut que tu sortes le jeu telle date. Et ouais, mais il sera jamais prêt. Ouvre les préco, ça ira quoi. À mon avis, c'est ça. Que l'année fiscale finit en avril, voilà, ça sent tout de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de l'exemple parfait là. Ah oui, non mais carrément. Là, dans quelques jours et fin de l'année fiscale en avril. Donc, et ils ont dû se dire, non mais le jeu sera jamais prêt quoi. Découpe-le en épisodes. Et ça ira, c'est des fans, ils achèteront. Après, ça c'est l'excuse qu'on peut leur donner, mais ça se trouve ils ont juste dit, bon, on va se faire du pognon, on va le découper. Ça, il y a peut-être ça aussi, hein. Ouais. J'espère pas, hein. Mais j'avais peut-être rien d'autre à nous fournir sur l'année 2016 à venir, et donc du coup, on va quand même pouvoir parler de Square Enix assez régulièrement avec un seul titre. Ouais, c'est vrai. J'avais pensé à ça aussi. Parce c'est que Deus Ex, c'est quand? Je sais plus. C'est cet été, je crois, juillet-août, je crois. Mais effectivement, le truc aujourd'hui, c'est que on regarde un jeu qui sort. Il a une moyenne de durée de vie à peu près de, tout dépend les jeux, mais on va dire grosso modo 5-6 heures. Scénario, petite quête à côté à faire. Et il se pourrait probablement que Hitman soit du même genre, ou peut-être, allez, on va dire grand max 10 heures. Ouais, mais là, et qu'il se soit dit, parce que le problème des jeux vidéo qui ont cette durée de vie là, c'est que, surtout connaissant l'Infernal, t'y joues pendant une semaine non-stop ou un mois non-stop, oui. Et après le jeu t'en entends plus jamais parler. Ah ouais, mais c'est ça. Et donc eux ils se sont dit, putain les gars, ça fait je sais pas combien d'années qu'on bosse dessus, on n'a rien derrière, ça serait bien qu'on parle de notre jeu longtemps et souvent. Donc peut-être que aussi que c'est une technique de communication autour du titre. Je pense qu'ils prennent le problème à l'envers et qu'ils devraient faire, je vais donner encore comme exemple Splatoon, mais voilà, avec des mises à jour régulières. Gratuites. Gratuites, qui te permettent de prolonger l'expérience du jeu et non pas de découper un jeu qui existe déjà et d'en faire des épisodes. Tu vois, ils ont pris le problème à l'envers, je pense. Ouais, tout simplement. Donc je pense effectivement que pour la communauté des gamers, acheter le jeu épisodiquement, c'est pas nous rendre service, parce que c'est un peu inciter les éditeurs à continuer à faire ce genre de truc. C'est pour ça que je suis vachement frustré, parce que je me dis bon, j'ai quand même envie de le prendre parce que c'est Hitman, je le trouve super et voilà. Et d'un côté, je me dis merde, si je fais ça, je dis oui, ok les gars, foutez-nous du suppôt en mode DLC et puis on continue à en prendre quoi. Alors je fais une parenthèse, dites-nous sur le chat, tiens, sur Facebook et sur Twitter, hein, Twitter, Facebook, La Voix du Geek, La Voix avec un E, dites-nous sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle économique? Je m'attends déjà aux réponses, mais tiens, il y a Glissy qui fait salutations, savoir si vous lisez les messages, oui, on les lit. Il y a Killer Volant, tiens, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, qui fait yeah, bonsoir, 50 € pour tous les épisodes. Oui, après voilà, le truc 50 c'est que euros, ça se tient. Ça fait le prix d'un jeu classique quoi. Mais et encore 50 euros ça sur va. Un an quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est le problème du jeu épisodique où en plus, je sais pas si ça va sortir une fois par mois, hein, c'est pas sûr. Hein. Ah non non non, clairement ça pas. Va être, hein. Peut-être on avait tout, on avait fait la liste 3 mois. Hein. Tous les 2 ou 3 mois, il y aura un truc. Donc en plus, ce qui est pénible, c'est que ce genre de jeu, bon, la prise en main est relativement facile, mais quand tu joues à un jeu et que tu passes à un autre jeu avec d'autres configs et tout, te réapproprier le jeu à chaque fois. C'est vrai ça. Ça, je pense que c'est un truc qui peut me gonfler. D'autant plus quand tu vois des jeux comme The Division ou Uncharted machin où t'as les boutons qui changent et tu te dis bon, ok les gars, c'est pour ça The Witcher. Je l'ai fait d'une traite. Je me suis dit comme ça, je le fais parce qu'il est compliqué à prendre en main, faut se le dire. Hein. Et je me voyais mal entamer un jeu et repartir dessus parce que j'allais rien piper. Et c'est vrai que c'est un temps d'adaptation. C'est difficile, quand tu switches d'un jeu à l'autre, pareil. Mais tu vois, The Witcher, c'est typiquement l'exemple type pour moi, quoi. Tu vois, je l'ai fini en une semaine. En une semaine, j'ai joué 95 heures parce que je voulais le torcher. The Witcher 3. À un moment, je posais la manette pendant une semaine, trois, jamais j'y retournerai, quoi. Enfin, tu vois, faut se remettre les boutons. Ouais. Tu vois, c'est quel jeu? Putain, je pense que ça va me revenir. PC, donc il a une ergonomie un peu particulière. Ouais. Mais c'est le genre de jeu où il faut que tu passes du temps dessus et que tu te dises, ok, je vais attaquer ce jeu-là. Il faut que tu te dises que tu te mets un agenda où t'es libre et tu fais que ce jeu-là pendant longtemps. Metal Gear, c'était pareil aussi. Ah tiens, tu vois, ça réagit beaucoup sur le chat. Y a Nathan qui nous dit c'est laid comme modèle car c'est rare de rester des mois sur le même jeu, on va toujours voir ailleurs. C'est vrai ça. Y a Cucrapoc qui nous dit je découvre votre radio, c'est génial, merci à vous. Salut à toi. Tiens, y a Grog. Salut, bonsoir à tous. Alors pour le système épisodique, ça va sur certains types de jeux comme les Life is Strange. Oui. C'est vrai que t'avais beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé, mais après il y avait pas énormément de temps non plus entre chaque épisode et chaque épisode était suffisamment long pour pouvoir y passer quand même plusieurs jours dessus, essayer différents scénarios, essayer de faire carrément. Ça s'y prêtait bien. Il nous dit sur un Hitman, je suis moins sûr que ça soit bénéfique pour le jeu. Ouais. C'est parce pas faux. Parce que j'ai peur, tu vois, que justement comme le principe de la bêta, ils partent sur le principe de se dire OK les mecs, on va le faire en morceaux. Donc du coup, en attendant que le jeu sorte, on va leur mettre plein d'objectifs du style tu la cibles comme ça, tu la cibles comme ça. Genre de la poudre aux yeux. Ouais, voilà. Donc du coup, toi tu te dis bon, j'ai terminé le jeu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tous les objectifs optionnels. Donc tu vas faire toutes les façons de tuer différentes, machin, tu vas récupérer le costume de serveur, le costume de mécanicien, tu vas récupérer la clé à molette secrète. Enfin bon, voilà. Mais je pense pas que ce soit suffisant pour étendre la durée de vie du truc. Après bon, je me permets de critiquer, j'ai pas vu le jeu final, hein. Donc je peux complètement me planter. Mais c'est un petit peu la peur que j'ai à l'arrivée de ce système, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, vendredi, le premier épisode sort. Il se passe dans Paris. Il me tarde vraiment moi de voir parce qu'on a vu quelques extraits où on sera pendant un défilé de mode. Oui. Et il m'a semblé voir l'agent 47 Hitman défiler. Oui, oui, si. Alors ça, ça va être un petit peu l'objectif qu'on va se fixer vendredi. Il doit piquer le costume à Geneviève de Fontenay. C'est ça. Ah cool. À Geneviève de Fontenay. Et puis tiens, on nous dit sur le chat, je déteste vraiment le système épisodique, je suis totalement contre le fait que le jeu soit sur deux CD par manque de place, mais là non. Même s'il est épisodique, je pense me le prendre quand même, nous dit Killer Volant. De toute façon, on le streamera sur la chaîne dès vendredi matin. Alors, juste pour terminer, je vous dis... Allez, après, on s'écoute Out and Looter avec Twat. Waller. Waller. Waller. Ouais, juste pour vous dire, effectivement, on gueule par rapport au système économique, mais si vous avez fait les anciens Hitman et que vous avez aimé, comme la plupart des joueurs Hitman, l'opus Blood Money, rassurez-vous, on retourne vraiment aux bases et au principe de jeu de Blood Money, qui était vraiment super. Voilà, on est dans la même logique. Ils ont gardé juste le système de sens qu'on avait sur le Absolution. Absolution. Absolution. Ouais. Ça y est, tu parles anglais comme moi. Comme quoi. Toi, ouais. Sur Absolution. Oula, mais putain, mais j'ai du mal. Allez, ce vas-y, enchaîne, on va être en retard après. Voilà, donc il y a un petit peu de mix du dernier, mais un gros retour aux bases sur Blood Money, et franchement, ça fait plaisir, et je pense que ça peut être suffisant à déclencher l'effet d'achat, quoi. Yes. Eh ben écoute, on verra ça. Je sais pas si on fera le test dans l'émission, ça dépendra un peu du planning. Je crois que la semaine prochaine, on fait Division, et après c'est un peu plus calme. C'est que du démat, hein, au fait. Hein. Oui, oui. T'imagines s'ils sortent une boîte par. On sait pas. Je suis pas sûr. Bon bref, allez, il est 20h. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio et nous revient juste après Out and Hooler. Vas-y, dis, c'est toi qui as choisi. Out and Hooler, Twat. Yeah. T'as presque envie que ça t'arrive. Et on revient juste après avec le test de Far Cry Primal. On va parler un petit peu de la série là. Il y a pas mal de choses à dire. Allez, on revient. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans la Voix du Geek, toujours en direct sur Ode Radio 411.3 en Aquitaine et sur oderadio.net pour le reste de la Gaule. On vient de s'écouter Houten Houleur avec Twat. Et voilà, ils sont déjà en condition. On va vous parler de Far Cry Primal. C'est un jeu qu'on a adoré. Tiens, j'aime bien parce que on nous dit pas mal la diffusion sur Twitch. Eh oui, parce que vous pouvez nous suivre. Vous qui nous écoutez sur vos autoradios, vos transistors, chez vous, sur la radio et tout. Eh ben, si vous voulez nous voir en image aussi, on est en direct. Hein, vous tapez Twitch, T-W-I-T-C-H, Twitch. Slash la voix du geek, la voix Twitch avec un point E. Twitch.tv. Twitch.tv. Ouais, de toute façon, si tu tapes Twitch, je pense que. Comment tu dis in English Bilingual Institute, là? La Kunyulangus Institute. Voilà, c'est ça. Bref, vous pouvez nous voir en image. Hein. Là, on a changé un peu. Il y a deux caméras. On est en train de mettre ça en place gentiment. Des gens vous a fait une jolie boucle au début où on voit un peu tout ce qui se passe dans l'émission et tout. Et ça lui répond. Il y a Grog qui répond. Eh oui, Killer Volant. Tous les mardis, on a le droit à l'émission en direct sur Twitch. Et après, en semaine, l'Infernal ou autre, faisant montre de ses talents sur un jeu. Wow. Lol. Wow. Bon bref, on les embrasse, ils sont sur le chat et ça fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en direct, hein. Facebook, Twitter et puis sur Twitch, nous on lit tout en direct. Et on va se parler un petit peu de Far Cry Primal, mais juste avant je vais mettre une petite bande son qui illustre très bien le jeu, je trouve. Là, j'ai peur. Voilà. C'est pas ce que tu avais utilisé pour The Witness. C'est exactement ça. C'est la bande son qu'on avait utilisée pour The Witness et je trouve qu'elle représente bien le jeu. Mais on va d'abord faire un petit point rapidement sur Far Cry, juste 5 minutes, parce que voilà, c'est une série qui mine de rien a pas mal d'épisodes. Mine de rien. Oui. Parce qu'on parle toujours du 4, du 1, 2, 3, du 4, hein, mais il y a plein de spin-off. Il y a eu beaucoup d'épisodes. Le premier épisode est sorti en 2004. Le premier épisode de Far Cry, il servait un petit peu de vitrine technologique. Il a été développé par Crytek. Crytek, c'est les papas de Crysis. Voilà. Crysis qui nous ont toujours habitués à justement des vitrines technologiques. En gros, pour les auditeurs qui ne sauraient pas trop, ils développent des jeux avec des nouveaux moteurs graphiques qu'ils développent en interne. Et ensuite, ils nous disent, pour ensuite pouvoir vendre ce moteur, ils disent, regardez, on a fait ce jeu avec, vous avez vu comme il est super. Acheter un PC de compétition pour le faire tourner. C'est un petit peu le même principe que les Grands Prix automobiles, les trucs pour vendre des voitures ensuite chez le concessionnaire. C'est un peu le même délire, quoi. Donc le premier épisode, c'était sur une île paradisiaque. Voilà, c'était ça l'originalité. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des FPS un peu classiques où c'était à la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, toujours les mêmes thèmes. Alors, et là, je suis désolé, ça va donner envie de pisser l'eau. Voilà, j'étais en train d'y penser sévère. Ça fait t'as une bouteille de toilette. Oui, c'est pour ça que je la regarde depuis tout à l'heure. Là. Et on se retrouvait sur une île paradisiaque à tuer des gens. Et il y avait un contraste entre voilà le FPS et puis l'île paradisiaque. Et franchement, moi, j'ai kiffé le premier. Oui, carrément. C'est pour ça que le Dead Island Remastered, qui arrive bientôt, qui a été annoncé. On cherche d'ailleurs du monde, hein, Kougou, si t'es chaud, Dandy ou même Tagazu. Parce que voilà, c'est sur une île paradisiaque, c'est hyper beau. Et tu tues du zombie à la hache, quoi. Voilà, bon, j'aime bien le contraste. Et des zombies en bikini, c'est ça. Et oui, oui, non, mais oui, parce qu'en gros, ils ont eu le virus, ils étaient en pleine vacances, quoi. Genre, t'es au Club Med, donc ils sont en claquette. Et tout, tu sais, ils arrivent. Enfin bref, ça va être terrible. On va streamer ça, je pense qu'on va se marrer. Donc voilà, le premier épisode est sorti en 2004. Ensuite, en 2008, on a eu le deuxième épisode qui se passait dans la savane africaine. Et moi, c'est à partir de celui-là où j'ai vraiment accroché à la licence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des petites nouveautés dans cet épisode. Déjà, il y avait la gestion du feu. Qui était énorme. Hein. Qui est un petit peu relou dans le primal. Je sais pas ce que t'en penses, Kogu. Ben, vu que j'ai vu tes déboires dessus, j'ai fait attention d'essayer gérer. Eh oui, non, mais il en faut toujours un qui court dedans, tu vois, pour dire, ça, faut pas le faire. Voilà, l'Infernal à l'armée, il aurait été en première ligne. C'est ça, la chair à canon. En gros, dans le 2, voilà, on est dans la savane africaine. C'est plus le même délire, parce que dans le 1. Il y avait des aliens. Ouais, non, mais en fait, il y avait des modifications génétiques. Voilà, on arrivait sur une île, c'était un peu l'île du docteur Moreau. Pour ceux qui connaîtraient le film. L'île du docteur Jeanne Moreau. Ouais. Presque. Salut. C'est un peu salut, l'idée, quoi. En gros, il y a des, voilà. Et donc là, c'est un peu plus terre à terre. Il n'y a pas ce côté un peu fantastique, fantasque avec bah, justement des ennemis génétiquement modifiés. On est dans une milice et on doit libérer la map. Ce qui est assez intéressant dans cet épisode, c'est qu'il y avait une vraie localisation des tirs. Moi, j'adorais. Tu tirais dans une bonbonne, ce qu'on voit maintenant à foison dans les Just Cause et compagnie. Et la bonbonne, elle s'envolait dans les airs. Ou alors, elle traçait dans la pampa et elle foutait le feu partout. Et le vent, la direction du vent, mettait le feu à la savane et aux hautes herbes, et ça, c'était terrible. Ensuite, on a eu le 3 en 2012. Je parlerai des spin-offs après. Ensuite, on a eu le 3 en 2012. Quelqu'un nous en parle du 3 avec le célèbre Vaz. Ah, qui était, qui est d'ailleurs un acteur très connu maintenant. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote dessus qui est géniale. C'est que ce mec-là, à la base, il avait postulé donc à Ubisoft pour faire un personnage de Far Cry. Mais il savait pas dans quoi il foutait les pieds. Et il se trouve que il est arrivé en fait un peu en retard et il travaillait sur je sais pas quoi. Il s'était blessé au doigt, il avait mis des petits bandages machin. Il est arrivé en mode à l'arrache avec un Marcel rouge et ils ont dit ben vas-y fais une voix de bandit, fais le mec à la caméra et tout. Il l'a fait, ils ont dit c'est lui. Est-ce qu'il lui ressemble vraiment? Ah oui, mais c'est la faudrait même gueule. Faudrait retrouver sa tête. Non, parce qu'il c'est la même gueule. C'est la même gueule. Et le truc c'est qu'à la base ils avaient complètement prévu autre chose et ils ont dit. Mais la gueule du type. Mais il est arrivé, il a fait je suis psychopathe de métier. Ouais. Donc, non, mais je suis professionnel. C'est bon. Regardez, c'est écrit sur mon CV. J'habitais 8 ans en Belgique. C'est une vraie anecdote. Il en a parlé parce que le mec est canadien. Donc du coup, il avait été interviewé en français et il expliquait qu'à la base, il est arrivé pour postuler pour un personnage de méchant et ils ont dit. Ouais mais en fait les mecs le mec là le perso son histoire et tout vous niquez tout tout à la poubelle ce mec on lui crée une histoire on veut lui sa gueule tout et en fait ils ont créé le personnage autour de cet acteur là c'est hyper bizarre c'est on entend des piaf derrière ça m'a troublé quoi donc ouais l'histoire est géniale parce que tu te rends compte que en plus ça se voyait il y avait le charisme du personnage qui était hyper cinglé et en même temps hyper calme tu sais genre ouais tu veux que je t'explique un petit peu ce c'est que ça en gros très rapidement la folie, dans le 3 en gros on est une bande de jeunes. Et puis ils font la fête un peu, ils se retrouvent débarqués sur cette île. Ils sont kidnappés par un psychopathe. Il y a un des jeunes qui arrive à s'échapper et ils se retrouvent sur cette île encore une fois paradisiaque, au milieu de la faune et de la flore. C'est le premier épisode où il y a vraiment la faune est aussi présente. Hostile aussi. En gros, ouais, faut faire attention où tu marches, quoi. Ouais, puis voilà. C'est à partir de cet épisode que les moufettes ont fait leur apparition dans Far Cry, hein. Oh là là. Parce qu'ils ont un gros problème chez Ubi avec les moufettes. On va en parler après, mais c'est un truc de dingue. Je crois que c'est l'animal le plus vénère. Le plus vénère de toute la planète chez Ubisoft. C'est un truc de ouf, quoi. Te saute à la gueule, t'es pas bien, quoi. C'est un truc de ouf. En 2004, on a eu le Far Cry 4. Le bien nommé en 2014 pardon on a eu le Far Cry 4 donc qui se passait dans le Kirat quelqu'un veut nous en parler moi j'ai trouvé que c'était un Far Cry 3 bis quand même Tout le monde au pays de Tata au Tibet voilà c'est un 3.5 ça a été une grosse mise à jour ils ont pris exactement les mêmes mécaniques que dans le 3 et ils ont créé un autre personnage une autre histoire un autre lieu. Et moi perso ça m'a un peu enfin j'aimais c'était très beau mais ça m'a un peu saoulé d'escalader les montagnes. C'est redondant. Les tours. C'est redondant les voilà. Tours les aussi, tours aussi tu fais que escalader du coup il y avait par rapport aux 3 je trouve qu'il y avait moins d'action. C'est moins vrai. De... Puis c'était la même chose récupérer des plantes, tu fais tes trucs et puis tu tues un animal, tu le dépèces, tu fais ta sacoche. Alors après c'est les mécaniques de Far Cry. C'est la mécanique de cette liste. Dans le primal c'est identique hein, sauf qu'ils ont un peu mis ça à l'époque quoi. Mais justement c'est ça que je trouve un petit peu dommage et on en discutera tout à l'heure, c'est que d'un épisode à un autre, c'est justement trop pareil. C'est tu peux garder le même système. Et Far Cry 5 est dans pareil. Les tuyaux. C'est le même menu, c'est le même système. Tu vois, pour moi, c'est littéralement, ils ont pris un jeu, ils se sont dit le 3, il marche bien, il y a un moteur graphique, boum. Du coup, on va l'exploiter, on va faire le 4. Et en plus, il y a cette rumeur, mais ce truc qui s'est avéré. Que la map de Far Cry Primal est en fait une reprise d'un morceau de la map de Far Cry 4. Et ça, on va en parler. On en parlera tout à l'heure, mais moi, ça me choque pas. Je vais vous dire pourquoi. Et je trouve que c'est même plutôt bon. Et c'est même un bon délire. Tiens, on nous dit sur le chat. Alors attendez, merde, il y a des messages qui ont passé. Et vous remarquerez que j'arrive à lire. On a zoomé en fait dans l'écran, dans l'image. Et donc je peux voir d'ici. Le 2 était pas mal. Nous dit Killer Volant. On nous dit Glissy. Je vais me faire taper, mais le deuxième est mon préféré. Bah écoute, le 2 est très bon. Oui, il est très critiqué par les aficionados de Far Cry, mais moi j'ai trouvé très bon. Oui, carrément. En plus, il y a une fin multiple. Il y a deux fins, donc c'était pas si mal. On nous dit c'est vrai que la tête du méchant fait bien comprendre dans le 3 qu'il est méchant direct. Ouais. C'est pas faux. Oui, c'est vrai qu'il ressemble bien au 3, le 4. Par contre, le 4, ce qui est sympa, c'est le méchant où on est presque envie de croire qu'il est pas si méchant que ça. Il a un côté tranquille, nonchalant. Mais il y a un vrai truc hein, comme ça. D'ailleurs, on c'est avait oui, le 4. Ouais, le 4, on peut le finir en un quart d'heure. En 15 minutes. Ouais. En gros, dans l'idée, le méchant monte à l'étage d'une maison où on est retenu prisonnier et nous dit « bouge pas, je reviens ». Si on l'attend, il revient, il nous donne je sais plus trop quoi, et l'aventure commence. Mais à ce moment-là, si on se casse, on se casse. Non, c'est l'inverse. Non, ah non, c'est ça. C'est en fait, il te dit, voilà, reviens. Enfin, je reviens, ne bouge pas. Et toi, tu dois commencer le jeu, l'histoire, en fait, en t'échappant. tu vas profiter de ce moment. Ah oui. Tu dois t'échapper. Et s'il revient. Et oui. Si jamais tu l'attends, il revient au bout d'un quart d'heure, mais c'est vraiment la première, tout début du jeu. Et si tu attends, donc, enfin, tu peux bouger, tu peux te balader dans la baraque, mais tu restes dans la pièce principale, il revient au bout de 15 minutes et il dit, eh ben, écoute, t'es resté, chapeau, viens, je t'emmène à l'endroit où tu voulais aller, t'y vas. Et hop, en gros, après, sur la tombe de sa mère. Voilà, ouais. Sur la tombe de sa mère, puisqu'il revient donc sur le lieu, donc, pour pouvoir retrouver sa défunte maman. Et donc, il lui dit, très bien, écoute, viens avec moi, je t'emmène sur la tombe à ta mère. Et donc, vous partez en hélicoptère. Et après, voilà, générique de fin. Alors, ce qui est marrant, c'est sa réaction où il arrive, tu sais, il ouvre la porte, puis le mec s'arrête, il te regarde, il fait. Mais t'es encore là, toi? Ouais, ouais, genre, ouais. Putain, tu m'as écouté. C'est génial, ce petit côté délire, quoi. Ensuite, on a eu des spin-offs. On a eu Far Cry Instinct en 2005, où là, pour le coup, nous, on était modifiés. Génétiquement modifiés. On a vu une jauge de vénéritude, un peu. À la crise, ça. Ouais. Ensuite, on a eu en 2006 le Vengeance. En 2013, le Blood Dragon. Alors, le Blood Dragon était génial. Je suis complètement passé à côté. Moi, c'est mon amour. Ah là là, c'est un des spin-offs, je trouve, voilà, le mieux réussi, mais complètement kitsch, assoué. Ils avaient tout repris les codes des films des années 80. Les musiques. Oui, c'est vrai que. Il était vraiment délire et rien n'était sérieux. Ça me faisait beaucoup penser à Sainte-Rose, les délires qu'ils ont dans Sainte-Rose. Ouais, c'est ça. Et franchement, pour ceux qui l'ont pas fait, même maintenant, je trouve qu'il a pas énormément vieilli, donc. Mais il y a pas un Blue Dragon 2 qui est prévu, là? Oui, si, qui est prévu. C'est vrai? Ouais, il y a un Blue Dragon 2. Putain, et j'ai les poils. Les poils. Oh, c'est trop bien. Tiens, il y a Killer Volant qui met un cœur aussi pour Blue Dragon. Ah ouais, mais c'est génial. Vraiment. Bon, c'est on va passer rapidement. Et ensuite, en 2008, il y a eu un film qui s'appelait Far Cry Instinct. Je vous invite, à le mater. C'est un espèce de nanar. C'est un truc de ouf. Mais pour le coup, c'est très réaliste et ça reprend exactement Far Cry du premier du nom. C'est le gars qui arrive, bon, comme par hasard, le mec, il s'échoue sur l'île, mais c'est pas un demeuré, il est militaire quand même. Donc ça va la castagne, mon copain. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est un nanar, en plus c'est Uwe Boll qui l'a réalisé. Oh, Uwe Boll, c'est un réalisateur de nanar très connu allemand, qui en plus sort des films de merde, et en plus envoie les spectateurs... se faire en papa outé, quoi. Il leur dit, mais vous avez, mon film, il est nul, mais vous êtes des connards, vous êtes nuls en cinéma, tout ça. Il gueule après les gens, quoi. Bon, bref, ça, c'est énorme. Donc voilà, c'est une bonne série quand même. Le 5 est dans les tuyaux, et le 4 est sorti le 23 février. Donc on va en parler là, assez rapidement. Bon, on a le quand 4 même. Le 4, le primal. Le primal, pardon. Primal. Donc c'est édité et développé par Ubisoft. C'est sorti le 23 février, je viens de le dire. C'est un FPS aventure. Alors c'est étrange parce que c'est un FPS où il n'y a pas d'armes. Voilà. Ça t'a plu. Ça m'a plu. Il n'y a pas d'armes à feu. Il n'y a pas d'armes à feu. Voilà, soyons précis. C'est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Est-ce que tu veux nous faire un petit point sur l'histoire, Kogu? Bon, grosso modo, puisqu'on va dire, enfin, c'est pas non plus le sujet le plus important du jeu. Concrètement, on incarne Takar. Takar qui est, il me semble, on va dire, le dernier rescapé un petit peu de sa tribu. Et dans ses pérégrinations un petit peu pour s'en sortir, il va tomber nez à nez avec une autre habitante de non, c'est pas une île. Meldoros, je crois. Oui, voilà, il se situe, il est dans la vallée d'Oros, et il tombe donc sur une indigène en train de compter fleurettes à un tigre dans deux sabres et qui le vit pas très bien, et donc du coup il la sauve. Du coup il coïte. Le lapsus. Du coup il c'est le tigre. Voilà, faites le jeu. Et donc il va pas s'amouracher, mais il va un petit peu s'occuper d'elle. Elle va donc lui demander de faire des choses un peu pour elle. Et concrètement, un petit peu à tous les deux, ils vont essayer de se recréer une petite communauté, puisque sur ce territoire-là qui est fort hostile, il y a différentes tribus. Il y a les comment ils s'appellent? Papa Outé. Oui, bon, on va les appeler comme ouais, ça. Il y a les Ougangais. Et donc, voilà, il y a différents chefs de tribu qui se font un petit peu la guéguerre. Et concrètement, le but du jeu va être de survivre. Et d'aller casser la gueule aux autres tribus. Et de développer un petit peu son village, son propre village. C'est-à-dire que on va prendre deux rescapés, deux survivants, et on va essayer de faire en sorte qu'ils rencontrent d'autres personnes pour essayer de s'agrandir et pour essayer de se faire un beau petit village. Oui, Clément ? Allez, j'ai une question. Alors, c'est pour paraphraser un viewer que tu as eu sur ta chaîne, est-ce qu'il y a des dinosaures? Alors attends, alors voilà, comment cramer une vanne, hein, direct? Voilà. Eh ben, on va être obligé de commencer par là. On va vous faire le top 3 des questions sur Far Cry Primal, mesdames, messieurs. Par la papa, hein. Juste pour situer, du coup, pour que vous compreniez, l'action se passe pendant la période Cro-Magnon. Et donc, c'est pendant la préhistoire. Pendant la préhistoire, mesdames, messieurs. En numéro 3, la question sur Far Cry Primal. Mais dis donc, ils sont où les dinosaures? En deux, attends, c'était quoi déjà? Merde, j'ai zappé, en plus je voulais les noter. Bon bref, et il y avait une question, c'était genre, donc on a rien, on a une torche avec du feu. Et c'était genre, mais dis donc, t'as pas une torche pour regarder sous l'eau? Voilà, en gros c'était un petit peu le délire quoi. Oui, il est bientôt 20h30, il y a le clocher qui sonne. C'est l'heure du cabécou. Ah, coucou. Ça sent bon la garrigue, ça. Alors, oui. Chose qui est super. Et il faut sortir le cabécou. C'est que dès le début, dans les options, vous avez la possibilité, et c'est ce qu'on a fait avec l'Infernal, on a coupé toute musique du jeu. Ah ouais. Ce jeu est vraiment à faire sans musique. Il y a un espèce de sound design de fou. Ah mais grave. Moi, je me retourne encore chez moi, j'entends des... Et en fait, c'est Mélanie quoi qui est là. Non mais carrément. Alors, pour resituer un petit peu le truc, t'as dit voilà qu'il y a des gens qui se plaignaient que la carte était un repompé de celle de Far Cry 4. Mais pourquoi pas? Est-ce que la porte peut pas être ouverte et se dire la carte qu'on arpente dans Far Cry Primal, ce serait pas le même endroit que dans le 4? Est-ce que c'est pas ce qui deviendra le Kirat plus tard? Bah ouais, au contraire, moi je trouve que c'est une idée de génie quoi. Déjà, alors, ils se font pas chier, un petit peu moins de boulot, et en plus ça se tient. C'est possible, mais je pense que la critique elle est plus faite, parce qu'effectivement quand ils jouent, tu remarques pas que tu es sur la carte de Kirat. Mais c'est clair. Mais je pense que c'est plus dans le fait de se dire bon les mecs ils ont fait un Far Cry comme ça là va vite et ils sont tellement pas fait chier qu'ils ont pompé sur la map. Je pense que c'est plus pour le principe que c'est critiqué. Après, dans le fond, effectivement, comme tu dis, ça pourrait être très bien excusable en disant bah, c'est l'ancien Kirat quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Bah ouais, carrément. Enfin, en même temps, une montagne en Inde ou au Tibet ou une montagne à l'ère préhistorique, elle est peut-être juste un petit peu moins grosse, mais c'est une montagne. Oui, donc, c'est vrai. Alors tiens, on nous dit le gourdin torche, tu les adores l'infernal, surtout en combat. Oh, moi j'adore le gourdin. Mais c'est très très bien. Et là aussi, enfin le gourdin, il s'enflamme, on l'embrase au début avec de la graisse animale. Et pendant un laps de temps, le gourdin va se consumer jusqu'à ce qu'il se brûle les doigts et qu'il doive se confectionner un autre gourdin. Carrément. Justement, on va en parler de ça, d'un petit peu tout ce qu'on a à notre disposition. Donc, on a le gourdin. Au début, c'est un simple morceau de bois. Et puis, plus on avance, plus il rajoute un espèce de crâne, des dents. Faut imaginer qu'on a la préhistoire. Donc, on a vraiment la bite et pas le couteau, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Il faut qu'on dépece un animal pour récupérer du cuir, pour faire des lanières, donc en gros de la ficelle. On a ça, on a un arc, on a une sagaie. Alors la sagaie, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est comme un javelot, une espèce de lance. Alors attention à tous nos amis kayakistes, hein, c'est pas une pagaie. C'est une pagaie. Faut pas se tromper quand même, hein, c'est une sagaie, voilà. Et ça fait très mal, hein. Oh putain, les headshots à la sagaie, ça pique quoi. C'est un bon dos. On a ça, on a une chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Alors, elle est très très bien cette chouette. Au départ, je m'en suis pas beaucoup servi. Et quand tu avances un petit peu dans le jeu, tu finis par y venir. Et c'est là que c'est très bien fait, parce que du coup, c'est une mécanique où, à la limite, on ne t'oblige pas à t'en servir dès le début du jeu. Mais à un moment donné, tu te dis, attends, j'avais pas une chouette, moi? Parce que et donc, cette chouette, on l'appelle avec la touche directionnelle O. Et donc, elle nous survole et elle permet de pouvoir faire un scan, on va dire dans les 100 mètres à peu près qu'il y a devant toi, de toute la faune et la flore qui s'y trouve. C'est ça. Ce qui fait qu'on peut repérer chaque ennemi, chaque type d'ennemi. On peut également les marquer. Et alors la chouette, on peut la crafter un petit peu au fur et à mesure de l'histoire. C'est les royaumes de Gaoul, quoi. C'est un peu, alors au début, tu n'as que la chouette. Après, tu vas pouvoir lui mettre, quand tu auras appris à les faire, des bombes piquantes qui sont donc des bombes qui sont remplies d'abeilles. Ça, au début, je m'en servais pas. En fait, c'est génial. Mais c'est mortel. D'ailleurs, je me suis aperçu, tu as des missions où tu dois libérer des gens de ton peuple, enfin pas de ton peuple, mais des rescapés aussi, qui ont été kidnappés. Eh bien, tu peux. Les abeilles sont intelligentes, c'est-à-dire que quand t'as les gardes autour des prisonniers, eh ben tu lâches ces bombes d'abeilles, les bombes d'abeilles n'attaquent que les méchants. Et oui, c'est parce que les méchants, ils se servent du miel pour faire voilà. du déodorant. Voilà. Et après, parfait. Voilà, ça pique très fort. Mais sinon, alors aussi, alors parce que c'est ces bombes d'abeilles, on peut aussi également les lancer soi-même. Hein. On les a également dans notre inventaire. Et bah, du coup, toi, tu peux te faire attaquer par tes propres abeilles si tu lances près de toi. Et donc voilà, ce qui est ce qu'on pourrait reprocher à ce Far Cry, c'est que ils ont transposé, tu vois, le coup du scan avec la chouette, c'est ce que tu fais avec l'appareil photo ou la caméra dans les épisodes précédents. Voilà. Et donc on retrouve toutes ces mécaniques. Évidemment, la grenade, un FPS sans grenade, c'était moyen. Le coup des abeilles, c'est une idée de génie, c'est plutôt cool. Oui, c'est cool. C'est un bon délire, tu vois. Il y a également des bombes qui peuvent enflammer les personnes. Oui. Et il y a également donc une bombe qui permet de faire péter un plomb à la personne, de l'empoisonner, où la personne devient un petit peu toute folle. Et comme dans Assassin's Creed, va s'attaquer aux premières personnes qu'elle va trouver devant elle. Alors ça on nous dit, otages. C'est vrai qu'on n'a pas le couteau, mais t'inventes quand même le grappin. Alors, t'as pas de couteau. Si à un moment donné, tu vas pouvoir avoir. C'est un coutelas. C'est un espèce de. Au début, on a un espèce d'os taillé qui sert de couteau. Et après, quand on va pouvoir trouver des pierres, des silex, là, on va pouvoir faire des couteaux de lancer. On nous demande, tiens, il y a Killer qui nous fait, est-ce qu'il y a toujours les espèces de missions à faire dans un autre royaume? Oui. Comme Shangri-La. Quand t'es dans Shangri-La, exactement. Là, c'est un peu le même principe. Elles sont moins fofolles quand même que dans Far Cry 4. Ouais, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Enfin, tu vois, c'est quand même un spoil un peu, tu vois. Mais elles y sont. Voilà. Il y a des phases comme ça. Elles sont assez hallucinantes. Elles sont plus sobres. Celle de Far Cry 4 était juste magnifique, quoi. Ces couleurs, ce rouge. Ouais, je pense qu'ils allaient pas partir dans des délires de drogués, hallucinogènes ça. Trop. Enfin, on est quand même à la préhistoire. Ouais, c'est un peu quand même. Hein, c'est un peu le truc, hein, parce que tu bois du sang dans un crâne, c'est ça. Ouais. Donc ça une te. Une décoction. C'est des trucs un peu psychotropes qui te. Mais enfin celle de Shangri-La était un peu plus puis c'était l'esprit tu vois dans le 4 de Far Cry 4 qui produisent à ça était complètement c'est énorme génial en gros pour les auditeurs on va être en retard un peu ce soir mais c'est pas grave en gros on est au Tibet dans le 4 et on croise deux junkies quoi qui sont là pour se mettre la race dans les montagnes quoi ils sont là ouais gars et tu vas les voir ils te font fumer des ouinges et en gros wouhou enfin c'est voilà le truc qui incite pas du tout les gens à fumer non et la drogue c'est mal les enfants. En plus, c'est interdit, contrairement à l'alcool, qui est encore pire, mais qui est légal. Et en plus, c'est cher. Et en plus, c'est cher. Bref, on va essayer de pas traîner. On a plein de compétences à débloquer. Au début, on court pas très vite. On a du mal à soigner. Plus on gagne de l'XP en faisant des missions, plus on peut les débloquer. C'est très classique. C'est exactement les mêmes que d'habitude. Hein. On a la chouette, on a les armes. Ensuite, on a les animaux qu'on peut apprivoiser. Et ça, c'est un bon délire. J'ai trouvé ça un petit peu léger. Dans le système, ça aurait mérité un peu plus de profondeur. Ouais. En gros, on construit un appât, on le jette au nez d'un animal, peu importe ce qu'il fait, il va foncer sur l'appât, on s'approche de lui tout doucement, on fait carré, et en gros, on l'a à nous, il est comment on dit ça ? Il est à nous, il est apprivoisé. Apprivoisé, voilà. Attrapez-les tous. C'est un peu l'idée, quoi. Et donc voilà, ensuite on peut l'envoyer pour qu'il attaque à notre place, on peut monter dessus. Il y a ça. On peut avoir une quinzaine à peu près d'animaux comme ça différents. Tu peux monter sur tous les animaux ? Non. Non, pas la moufette. Tu peux pas monter sur ta chouette. Oh, non. À la Harry Potter, tu sais. Ouh. Par contre, tu pourrais parce qu'elle est quand même de taille conséquente et elle arrive à one shot quand même des ennemis. Ah. Non, elle est badass, elle est badass. Et tu peux faire combattre tes Pokémon contre d'autres Pokémon. Oui, c'est possible. Tes animaux, ils attaquent d'autres animaux. Tu as un dent de sabre avec toi. Et donc, qui est, on va dire, le familier qui est le plus fort. Le plus résistant en tout cas dans le jeu, c'est le dent de sabre croc de sang. Et lui, quand tu te balades avec lui dans la garrigue, s'il y a d'autres animaux, dans des mammouths, des moufettes, des sangliers qui s'approchent de toi, il fait un... les autres se barrent. Attends, fermez les yeux, vous y êtes déjà. Joli. La carte est remplie de tout un tas de choses, comme on a bien l'habitude dans les Far Cry. Il y a des espèces de bûchers, ça correspond aux antennes qu'il faut d'habitude démanteler. Et une fois en haut, ça affiche un petit peu la map. Il y en a quand même moins. Il y en a que 16 dans cette opus. Et moi, j'ai trouvé bien proportionné ce jeu. Oui. C'est ni trop court, ni trop long, tu vois. Tu le fais, et puis t'es content de l'avoir fini au final. C'est une bonne expérience, ça s'arrête là. C'est pas comme un Assassin's Creed, où si tu veux ramasser tous les coffres, t'en as pour 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi qui l'as fait sur Unity. Ben là, moi, alors j'ai terminé le jeu. Moi, j'ai mis 33h30 à le terminer. Yes. Là, je suis sûr, j'essaie de faire le platine. Et bah, là, du coup, c'est le truc le plus long, ouais. comme Assassin's Creed, à récupérer les 80 objets et ouais. du coup finir d'avoir les dernières compétences. Parce que les compétences, elles coûtent 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ou jusqu'à 6 points. Ouais. Forcément, les dernières qui te restent, c'est que des trucs à 6 points. Et là, concrètement, il me manque encore pour juste, il doit me manquer que 4 compétences. Mais il me faut 30 points de compétences. Ouais, c'est chaud. Et donc en ramassant les petits trucs et fais les missions aussi qui rapportent, tu sais, à chaque fois un point de compétence. Je les fais toutes. De toute façon, je clean par zone toutes les pastilles orange. Ok. Donc il y a ça. Après il y a des masques, des bracelets qui traînent. C'est hyper classique. Il y a des grottes à explorer qui sont assez sympas. C'est un peu galère de trouver l'entrée souvent. Moi, ça sera mon point négatif sur le jeu, c'est que les grottes. Au tout début du jeu, on vous demande de régler les gammas de manière à oui, ce que la partie c'est ultra sombre. Bah, comme en gros, si t'as pas de torche, c'est faut imaginer l'image toute noire. C'est ça. Moi, il y a eu un passage où il y avait une partie de la grotte qui était submergée. Je suis mort un paquet de fois à rester coincé contre le mur et à pas ouais, réussir à chaud. Trouver la sortie parce que forcément on n'a pas de lampe torche, on n'a pas de maglite. Et non, il n'y a pas de torche sous l'eau. Mince. Quel dommage. Bon bah voilà, si il y a pas mal d'easter eggs, il y en a un qui est très connu, c'est une mission, on peut pas la louper, on va voir un type et lui son délire c'est de voler et en gros il te dit énorme. Regarde, alors tu vas lui chercher des plumes d'un oiseau très rare, ensuite tu les donnes, il est mignon, il les met au bout de ses doigts comme ça, genre il vole, tu vois. C'est ça qui est génial parce qu'il lui montre qu'il va prendre les deux regarde. Plumes dans chaque main, il fait je vais sauter de là-bas, il y a un dénivelé de 200 mètres et il te dit, et lui dit va en face regarder là-bas. Là-bas pour bien me voir et toi t'y vas, tu lui dis rien du tout, tu lui dis pas mais arrête, tu vas te faire mal. Et en gros t'entends le cri du saut de l'aigle, enfin de le saut de la foi d'Assassin's Creed, et il tombe dans une botte de paille. Donc voilà. Et il y a un autre easter egg que t'as dû trouver en faisant un trophée à faire aussi avec exactement. Le saut de la foi. Ou en gros dans une grotte t'arrives et il y a un T-Rex un peu en métal, un squelette de T-Rex qui est pris dans la roche quoi, et c'est un clin d'œil évident à Blood Dragon. T'as la musique un peu saut 80. Ah yeah. C'est pas mal. T'es obligé de le faire si tu veux faire le platine. C'est un des points d'interrogation, t'es obligé d'y aller. Et il y a un autre trophée à faire, t'as vu, faut faire toi aussi un saut de la foi. Un saut de la foi. Du haut d'une grande falaise qui est assez loin, faut y monter là-haut. Sauf que moi, j'ai pris mon élan. Et ben, comme dans la vraie vie, quand tu vois les vidéos des gens qui prennent leur élan sur les plongeoires et qui se cassent la gueule juste au bout du plongeoir, ben, j'ai fait pareil. Moi, je pensais faire un saut. Bon, forcément, t'as pas de wingsuit à la préhistoire, mais je pensais au moins avec le dénivelé qu'il y avait, j'allais pouvoir les viser. Tu tombes comme une pierre, quoi. Tu tombes tout droit, quoi. Mais j'ai dérapé et je me suis croûté, mais 1m50 plus bas. Hein, je suis mort quand même. Hein. Oh la loose. Ce qu'il faut y remonter, c'est assez haut, quoi. Mais c'est le point le plus haut. Je voulais capturer la vidéo. Yes. Je l'ai fait en disant attends, je vais montrer ça aux potes, je vais sauter, voler jusque là-bas. Yes. Et j'ai pff, voilà. Oh le con. Du coup, il a effacé. Donc coup, voilà. J'ai fait une vidéo sur Blowjob. Donc voilà, dans l'idée, il y a ça à faire. La map est quand même assez grande. Elle est très bien. Le truc, c'est que vu qu'il y a des voyages rapides, bah du coup, tu te fais même pas chier quoi. À la fin, quand tu veux ramasser tous les petits trucs qui te manquent, tu mets la map, tu regardes ce qu'il y a autour, t'y vas. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est un petit peu des animaux qu'il y a, parce que du coup, on peut récupérer. Je me dépêche hein, parce qu'on est vraiment très très en retard. Juste après, il y a les acoustiques dans 6 minutes. Donc on va conclure très vite. Voilà, il y a les animaux, on les dépèce pour récupérer de la fourrure, de la graisse, tout un tas de choses, des matériaux en gros pour confectionner tout un tas de choses aussi. Il y a ça. Alors vite fait, dans les plus et dans les moins. Toi, Kogu. Le graphisme qui pour moi, enfin, me plaît toujours autant. Ouais. L'ambiance, le sound design, voilà, qui est vraiment. Totale immersion, vous le faites au casque, vous avez des petits scare jump quand un crocodile vous chope derrière le nénuphar. Non, il est vraiment très bien. Dans les points négatifs, trop sombre, les grottes, enfin pour moi c'est toujours la même galère quand il faut aller chercher justement un truc bien précis, tu sais jamais s'il faut l'attaquer par le haut, par le bas. Ouais, c'est parce chiant. Que tu vois que l'icône, il est sous tes pieds de l'artefact que tu dois attraper, mais par contre, tu mets 20 minutes à trouver une entrée pour cette grotte et quand tu la trouves, ben tu sais pas trop où aller. Donc moi c'est mon point négatif. Et sinon le fait que pour les missions secondaires, un petit peu pour gagner en termes de durée de vie du jeu, tu vas voir un gars, qui te dit bon ben alors déjà voilà tu essaye prends... de faire vite s'il te plaît parce que ben en fait ils font faire des allers-retours qui pour moi sont assez inutiles. Ouais. Tu parcours toute la lande pour parler à un gars qui a l'icône de la mission et il te dit ah bon c'est très bien maintenant tu vas pouvoir aller libérer les gars qui sont à 4,50 km de l'autre côté là-bas et il faut que tu retraverses à chaque fois tout le truc. Ça aurait pu être un peu plus rapide. Bon, on gagne en durée de vie mais voilà, le seul point négatif pour moi sinon voilà, un must have. Carrément. Moi, dans les plus, j'ai kiffé l'univers. En plus, un jeu vidéo dans l'univers de la préhistoire, c'est hyper rare et ça fait du bien. Je l'ai dit et répété, mais c'est un jeu qui fait du bien. Il n'y a pas un putain de coup de feu, il n'y a pas un klaxon. T'es lâché dans la nature, t'entends ça. Franchement, c'est un truc de dingue, quoi. T'avances avec ton arc, t'es accroupi dans les fougères. Et parce que... Bon, le clocher, vous l'enlevez dans votre tête. Hein. Il fait non, parce que là, il y a une perdrix, là, vas-y, tu tires dessus, tu me récupères les plumes, comme ça, on fera des slips. Bon, bref. Tu vois, c'est l'idée, quoi. C'est génial. Je l'ai trouvé bien jaugé. C'est pas trop long, pas trop court. Tu fais le platine, boum, tu le revends, c'est très bien. C'est pas un jeu, voilà. Franchement, il s'est trouvé très bien. Moi, j'ai fait le platine en 36 heures. Ça me va très bien. Bam, une semaine, c'est plié. J'ai bien aimé aussi aller chasser les animaux légendaires. Ah oui. Ça, parce c'est que génial. Mon pote, t'y vas à la sagaie ou à l'arc, aller chasser le mammouth à deux têtes, mon pote. C'est un truc de ouf, quoi. En gros, voilà, il y a un mammouth, un élan, un tigre, des loups, qui sont assez relevés, les loups. Et un ours en gros, et tu les récupères ensuite, tu les apprivoises et tu les as avec toi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Le sound design aussi qui est terrible, grosse ambiance. Y a un autre truc que j'ai bien aimé mais je l'oublie en route. Et puis j'ai moins aimé l'histoire qui est un peu en retrait, sachant qu'ils parlent un peu Ungangé. Ils sont pas rentrés trop dans les détails. Moi à la fin je lisais plus les sous-titres, je te jure. Je les comprenais quoi. La gestion du feu m'a vite saoulé. En gros, il y a du vent, machin. Tu marches, t'as une torche à la main, il y a un coup de vent, elle te revient dans le visage, tu prends feu, quoi. Enfin voilà, la torche, les quatre fantastiques, tout ça. Ça m'a un peu saoulé. Et dans les moins aussi, c'est un Far Cry lambda entre guillemets au niveau des mécaniques. Si vous êtes fan de Far Cry, vous allez kiffer. C'est un truc de ouf, c'est sûr. Mais voilà, si vous attendez pas. Les autres épisodes, voilà, ça risque pas de vous faire changer d'avis. Il manquait juste un peu de pêche. Ah, ouais, vraiment. Ça manque un peu de, mais après, le gourdin, on a de la pêche. Quand tu mets un coup de gourdin sur la tête d'un gonze, franchement, peut-être tu kiffes. Ouais. C'est un peu l'idée. Non, non, franchement, carrément. Surtout en préhistoire, assez réel. Non, mais carrément, c'est hyper bien, quoi. Glissy, on répondra hors antenne à ta question. Nos soucis. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, il est déjà d'occasion. Hésitez pas à le prendre. C'est un très, très bon titre. Far Cry Primal. Ça fait du bien. Voilà, c'est un univers qui est cool. Moi, j'ai passé pas mal de temps à chasser, à machin. C'était assez énorme. Moi, j'ai bien kiffé. Voilà, on se quitte là-dessus. La semaine prochaine, spécial The Division. Merci les poulets. À la semaine prochaine. Merci pas toi. Et puis merci à vous, tous ceux qui étaient sur le chat. Remercie Eric pour le don de 10 euros, tu déchires. Et puis on fait un gros bisou, un bon courage à Goustic qui est en Belgique et qui a pas trop le moral. Hashtag prêt fort Goustic. Allez, vous me le mettez en TT monde le truc. TT Belgique. TT Belgium. Yes, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis dès demain 10h stream, demain un truc de déglingo. The Division 10h19. Heures, les gars. Allez. Et puis vendredi, jeudi pareil. Hop. Et puis vendredi, on se fait Hitman. Allez, gros bisous. Passez. Attends, je vais couper l'eau qui coule. Parce que c'est un truc de ouf. Voilà. Moi, faut que je me change là. Ça y est, trop tard. Allez, on va être à la bourre. Je vous laisse avec les acoustiques. Passez une bonne soirée. Bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Vous écoutez Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 FM.